Énergie. Il est pile 6h qu'on amène le coq. On est de retour pour démarrer cette journée tous ensemble. On est mardi, c'est le 6 novembre. Soyez les bienvenus. Il y a Georges Ezra qui arrive dans 2 minutes. Dans 10 minutes, on se sentira mieux parce que les concours du jour arrivent. Ah oui. Avant ça, c'est les infos. Toute l'actu avec Jean-Charles Gaucher. Salut Manu, bonjour à tous. Ça se gâte comme prévu ce mardi. On retrouve beaucoup plus de nuages et de pluie qu'hier. Des éclaircies, un temps sec sur le nord, le Grand Est, l'Occitanie, voire en PACA, mais des averses dans toutes les autres régions en principe. Ça devrait s'améliorer un petit peu en fin d'après-midi. Même genre de météo demain. Les températures max ce mardi comptaient 13 degrés à Angers, 15 à Biarritz, 16 à Fréjus et Marseille, 17 pour Valenciennes. Les recherches continuent ce matin à Marseille. Les secours tentent de retrouver les 8 personnes disparues depuis hier et l'effondrement de 3 immeubles vétustes. Les victimes présumées habitaient les lieux en plein centre-ville. 2 passants pourraient aussi avoir été ensevelis. Cette nuit, le ministre de l'Intérieur présent sur place s'est montré pessimiste face à la situation. Jour de vote aux États-Unis, les midterms, les élections de mi-mandat, le renouvellement d'une grande partie du Congrès, l'équivalent de notre Parlement. Donald Trump compte bien garder la majorité pour ses 2 prochaines années à la Maison-Blanche. De nombreuses personnalités comme Brad Pitt, Leonardo DiCaprio ou encore Taylor Swift se sont clairement opposées au président américain pendant la campagne. Le prix de l'essence, sujet de crispation ces derniers jours. La mobilisation et les blocages prévus un petit peu partout en France se confirment pour le 17 novembre. Plusieurs grandes enseignes de supermarchés ont décidé de faire un geste. Les carburants sont vendus à prix coûtant pendant quelques jours, voire quelques semaines chez Leclerc et Carrefour. Même chose, mais plus localement chez Système U et Intermarché, ça représente quelques centimes de moins au litre à la pompe. C'est l'heure de vérité pour le PSG. Défaite interdite pour le club de la capitale en déplacement à Naples ce soir. Une victoire permettrait en revanche aux Parisiens de conserver toutes leurs chances de qualification pour les 8e de finale de la Ligue des Champions. Le coup d'envoi sera donné à 21h. Un petit peu plus tôt, Monaco recevra les Belges de Bruges. Après Noël, la SNCF met en vente cette fois ce matin ses billets pour la période des vacances d'hiver du 8 janvier au 10 mars. Plus vous arrivez tôt, bien sûr, plus vous bénéficiez de tarifs réduits en direction des stations de ski notamment. C'est donc à surveiller ce matin sur Oui SNCF. 3 dates, Muse passera par chez nous avec sa tournée des stades en 2019 avec Énergie. Les 3 Anglais commenceront par le Stade de France le 6 juillet, avant le Vélodrome de Marseille le 9, puis le Matmut Atlantique de Bordeaux le 16. La billetterie ouvre dans 10 jours. Muse est parmi, bien sûr, les nommés, les artistes présents aux Énergie Music Awards, évidemment samedi à Cannes. Vous votez sur le site officiel jusqu'à vendredi inclus. Autre tournée beaucoup moins attendue cette fois, celle des Spice Girls. Le groupe anglais, véritable phénomène dans les années 90, se reforme, mais à 4. Victoria Beckham ne fait plus partie de l'aventure. Elles reviennent donc pour 6 concerts prévus en juin en Grande-Bretagne, avec notamment un show à Wembley à Londres. 6h03, c'est la fin de ce flash. Mardi 6 novembre, bon réveil avec Manu dans le 6-9 sur Énergie. Très bonne journée. Salut les wouwouins. Salut. Bonjour Isabelle. Réveillée. Bonjour Paulette. Hello. Bonjour Glandieu. Pleine forme. Bonjour Nico. Et bon mardi. Bonjour papa. C'est moi. Et bonjour tout le monde. Ça commence. Minutes, soyez les bienvenus dans ce 6 novembre 2018, une nouvelle journée qui s'offre à nous. Et cette journée, on va la bouffer, on va la prendre, on va la serrer dans nos bras, on va lui faire des choses qu'elle ne voudrait peut-être pas qu'on lui fasse, mais on va y aller quand même. En toute légalité, évidemment. Ah oui. Ce n'est qu'une journée. D'accord. Mais c'est une belle journée qu'on commence ensemble. Soyez les bienvenus. Dès maintenant, vous pouvez nous rejoindre. Je vous rappelle qu'il y a le numéro de téléphone qui est gratuit, comme chaque jour. C'est notre numéro à nous. 0870 42 48. Vous avez envie de parler. Vous avez besoin de parler. C'est gratuit. Ouais, c'est bien. C'est vrai. Hein. C'est cool, ça. Vous savez combien ça coûte, les petits? Moi, je sais, Manu. Tu vas chez le psy? Non, mais j'ai emmené ma fille plusieurs fois et ça coûte cher. Mais c'est utile en même temps. T'as emmené ta fille chez le psy? Un petit peu, parce qu'elle était petite, elle dormait pas très très bien, elle me réveillait toutes les nuits. Ça dit, je serais ton fils, j'irai aussi chez le psy. Donc, Et ben nous, c'est gratuit. Vous venez avec nous. 0870 42 48. Il y a aussi les réseaux sociaux, il y a Facebook évidemment, il y a Twitter et il y a l'application Manu dans le 6-9. N'hésitez pas, vous nous envoyez des messages vocaux. Vous n'avez pas le temps de nous appeler, vous avez votre téléphone. téléphone, vous téléchargez l'application, vous nous envoyez un message vocal et on les écoute, vos messages, pendant toute l'émission. On va s'écouter Georges Ezra dans 2 minutes. Avant ça, qui a envie de démarrer cette journée? Qui a envie de prêcher la bonne parole? Moi, je suis chaud, moi. Nico, ah, on t'écoute. Vous avez devant vous un homme nouveau. Ah ouais? Je suis un homme nouveau. Ça y est, tu divorces. Oh. Non, non, c'est pas une bonne chose, quoi. C'est un bon truc qui est arrivé dans ma vie quand même. Honnêtement, moi je me suis séparé il y a quelques temps. Oui, je sens que pour toi c'est différent. Ouais. Effectivement. Ah bah écoute, hier soir je me suis fait une soirée jeux vidéo, j'avoue. Ouais, donc pas de regrets quoi. Il y a des petits manques quand même au quotidien. Ah vraiment, avec le jeu en ce moment, non. Non, peut-être dans quelques jours. Oui, ouais. Mais oui, évidemment, de temps en temps, oui, oui. Ouais. Le soir, quand il faut se faire à bouffer. Les je déconne. Non, moi c'est pas pour ça. D'accord. C'est parce qu'en fait, ça fait une semaine que je garde le chat de mon frère. Et t'en peux plus, hein. T'as compris non. Que c'est... le diable. Je vais décevoir Manu, je suis désolé. Mais j'adore ça, quoi. Franchement, t'adores, c'est génial. Quoi? Le chat. Non. C'est une... Je te jure, c'est une révélation. En fait, je savais pas. Effectivement, comme toi, ça fait des années que je dis que le chat, c'est pas terrible, etc. C'est que ça a été créé par le diable pour nous tuer. Non, voilà. Franchement, je suis plus fan des chiens normalement. Là, ça fait une semaine que je garde le chat de mon frère. Et c'est câlin non-stop. Il y a zéro stress. C'est trop cool, quoi. Tu sais quoi? Ouais. Il est en train de te manipuler. Mais non. Mais si, je l'ai juste recueilli. Et franchement, il s'est hyper bien adapté. Il y a un vrai échange qui se fait, quoi. Okay. Je suis à deux doigts dans un chien, je te jure. Et ben voilà. Oui. Ça s'appelle de la manipulation. Mais non. Il est sympa avec toi, pourquoi? Parce qu'il va se dire, et ensuite il va vouloir un chat lui aussi. Oh, et hop là, un chat chez lui, ça fait un esclave en plus. Un esclave humain. Je vous rappelle que les chats n'ont pas de maître, les chats ont des esclaves. Ah, non. Nous sommes des esclaves. L'esclavagisme est interdit. Mais c'est non. Illégal. Mais on a bien fait de démarrer avec les chats, dis donc. Je suis désolé, quoi. Mais tu vas pas te faire avoir, quoi. Ah, je te jure, mais une semaine. Manu, il reçoit des petites doses d'amour. En plus, ça le prépare à avoir un enfant. Qu'est-ce que je vous ai dit hier? J'ai un pote, il lui arrivait exactement la même chose. Ouais. Ce que le chat lui a donné en petite dose d'amour, c'est des cacas sur son escalier. Voilà, pour un chat, ce qu'est une dose d'amour, c'est une crotte. Mais j'ai pas d'escalier, donc c'est peut-être... Mais tu sais quoi? Mais il va le faire sur ton lit. Moi, le mien, il pissait sur mon lit. Et en plus, il pissait pas sur là, n'importe où. Sur là où je mettais ma tête. Ah ouais. Ils le savent, les chats. Nico, ne fais pas ça. Oh, je suis désolé. Moi, je vais réfléchir. Mais... Non, pourquoi tu... Non, mais réfléchis pas. Un seau d'eau pour la nuit, vite. Dis-moi, qu'est-ce qui te ferait plaisir? D'autres, tu veux quoi? Ouais, je sais pas, une PS4. Une PS4, allez. Bah non. Je suis prêt à t'acheter une PS4 pour que tu fasses pas ça. Putain, mais... Je vais réfléchir. Est-ce qu'il faudrait... Il faut que le monde se réveille. Ouais. Il y a un moment... Mais non, mais Nico, t'as vu, c'est bon, t'as aimé. Vas-y, lance-toi, prends un chat. Je vais voir, je vais en parler avec ma femme. Okay. Tu sais quoi, tu fais ce que tu veux, mais... C'est des années, hein, Nico, après. Ouais. Ah ouais. Et pendant des années, tu seras là, l'esclave de ce chat, qui viendra uniquement vers toi lorsqu'il voudra manger. Et tu crois, mais okay. C'est bizarre, parce qu'au début, il était tout câlin. Au début, il était tout câlin. Mais maintenant, t'es mort. Bon, je vais me recentrer. 6h08. Je te lâcherai pas. Georges Ezra sur LRG, on va se calmer. Ouais. Inconscient. Impossible. Homegrown alligator, see you later. Gotta hit the road, gotta hit the road. The sun ain't changing the atmosphere. Architecture unfamiliar, I could get used to this. Time flies by in the yellow and green. Stick around and you'll see what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. South of the equator, navigator, gotta hit the road. Gotta hit the road. A deep sea diving round the clock. Bikini bottoms, lager tops. I could get used to this. Time flies by in the yellow and green. Stick around and you'll see what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. We got two in the front, two in the back, sailing along. See what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun. I'm feeling like a someone, someone, someone. 6h11, vous passez, que votre vie est merdique et que la journée a mal démarré. Pop, pop, pop, pop, pop. Je vous le dis, vous avez la plus belle vie du monde. Voici, comme chaque jour pour vous, des gens improbables qui font des choses improbables et vous allez vous dire que le monde est beau. Ah ouais. Écoutez bien les histoires des concours du jour. Juste avant de s'écouter le dernier soprano, nous partons d'abord en Espagne. Yes. Un homme monte dans un bus et braque les passagers à visage découvert. Et au bout de 2 minutes, il s'arrête debout dans le bus en regardant une personne et son visage se décompose. Ah ouais ? Parce qu'au fond du bus, il y a une passagère un peu spéciale. Ah ouais ? Sa mère. Oh non ! Oh non ! Oh non, mais égal. Oh non, pas maman. C'est... Oh là là. Et là, il fait « Ah merde bah, !» oui. Et là, sa mère, furieuse de voir que son fils est en train de faire un braquage, crie son nom à tous les passagers pour qu'ils le dénoncent. Ah, génial. Oh la leçon. Et la police est venue le récupérer. Ah, oh la honte quoi. Et tu ranges ta chambre, David. Aux États-Unis, un homme est arrêté ivre et avec une bouteille de whisky entamée sur le siège passager de sa voiture parce que oui, il est au volant. Oh là. Mmh. Oh, oui. Il se fait arrêter par les policiers et là il sort cette excuse, écoutez bien. Mmh. Non mais attendez, monsieur le policier, je ne suis pas un inconscient, rassurez-vous, je ne bois qu'au feu rouge quand je suis à l'arrêt. Pas quand je conduis. Mais non. Oh la vache. Alors son permis lui a été retiré, il a pris une énorme amende. Hein. Ah ouais. Parce qu'évidemment, bien sûr, c'est connu, l'alcool ne fait effet qu'au feu rouge. Oui. Et une fois le feu qui passe au vert, en fait, on redevient sobre. D'ailleurs, je vous rappelle le slogan, Sam, c'est celui qui ne boit qu'au feu rouge. Voilà. Non. Encore une petite histoire aux États-Unis, totalement improbable. Un bagagiste d'une compagnie aérienne risque une sanction pour s'être endormi dans la soute d'un avion. Waouh. C'est-à-dire qu'il était chargé donc de ranger les bagages de 80 passagers dans la soute de l'avion. Ouais. Là, il a un peu de temps, il dit tiens, je vais me faire une petite sieste. Ouais. Le mec s'endort entre les bagages et l'avion décolle. Oh. Mais non. Non. Et ça l'a pas perturbé. Oh. Ses collègues l'ont retrouvé 800 km plus loin, encore en train de dormir. Ah ouais. Pas possible. C'est pas l'employé du mois, ce mec. Non. Alors. En tout cas, bonne compagnie aérienne, genre qualité de. Qualité du vol. Allez, 6h13, on vient tout de suite. On va s'écouter Soprano, c'est dans 3 minutes sur LRJ. Soyez les bienvenus, c'est Manu dans le 6-9, on démarre la journée. Manu dans le 6-9. C'est les ouin-ouin sur LRJ. Until I knew you. Soprano. Et maintenant, c'est Manu dans le 6-9 sur Énergie. Il est 6h17, soyez les bienvenus. Dans 3 minutes, on vous prend au téléphone au 0870 42 48. Vous nous appelez pour nous raconter une histoire qui vous est arrivée. Et à un moment dans l'histoire, vous vous arrêtez et vous nous demandez, est-ce que d'après vous, ça s'est terminé au lit ou pas? Ah. Ouais, ouais, ouais. 0870 42 48. Vous nous racontez vos histoires juste après Soprano. Bon réveil, c'est Manu dans le 6-9 avec vous. Ma maman dit la vie n'est pas facile, mais plus facile avec un grand sourire. Donc je souris quand j'ai mal à la vie, car ma maman dit qu'il y a toujours plus maudit. Elle m'a dit donne ça, s'attendre à merci. Vis ta vie comme une jeunesse infinie, tends toujours la main aux plus démunis. Avant d'être important, sois un homme inutile. Elle m'a dit aussi qu'ici tout est fragile, si tout s'écroule tu reconstruis, c'est comme ça la vie. Oui, combien de douleurs indélébiles, combien au paradis. On vit avec cette mélancolie, c'est comme ça la vie. Maman m'a dit lay lay lay lay la la lay lay lay lay lay la la lay lay lay lay lay la la la. Danse danse à la vie à l'amour. Lay lay lay lay la la lay lay lay lay la la lay lay lay lay la la. Danse danse à la vie à l'amour. D'où je venais, mais surtout qui j'étais. On avait peu, mais on savait donner. Elle m'a toujours dit, chez nous, l'accueil est inné. Sois ce que tu es, te laisse pas colorier. Beaucoup sont morts pour cette liberté. Ne salis pas tout ce qu'on a sué, mais surtout ne te fais pas marcher sur les pieds. Ma maman m'a dit, le monde, il est fêlé. Change avec ton humanité, c'est comme ça la vie. Oui, offre le monde à ta moitié et à tes héritiers. Offre ta vie entière à les aimer, c'est comme ça la vie. Ma maman m'a dit, laï, laï, laï, laï. Danse, danse, à la vie, à l'amour. Laï, laï, laï, laï, la la laï, laï. Maman donne meilleur conseil que la nuit, à la vie, à l'amour. Donc danse, danse, danse, danse, danse, danse, danse, danse, danse, danse, à la vie, à l'amour. Danse, danse, danse, danse, danse, danse, danse, danse, danse, à la vie, à l'amour. Bienvenue sur Énergie, on va écouter DJ Snake avec Selena Gomez dans 3 minutes. Mais avant ça, vous nous racontez des histoires. Pas oui. N'importe quelles histoires. Des histoires qui vous sont arrivées. Et à un moment, vous vous arrêtez, vous nous dites, d'après vous, est-ce que ça s'est terminé au lit ou pas? Et on doit trouver. Ah. Amélie, bonjour. Salut Manu, salut tout le monde. Salut. Coucou. Oh, ça s'est terminé au lit, je le sens. Direct. Amélie, on écoute ton histoire. Alors moi, c'était une soirée entre filles au bowling, tu sais, on joue et tout. Et d'un coup, mon doigt, en fait, est coincé dans la boule. Donc en fait... Attends, ton doigt est coincé dans la boule de bowling? Oui, c'est ça. Oh, c'est rare, ça, quand même. Ouais. C'est dangereux, parce que si tu lances la boule et que ton doigt est coincé dedans, tu pars là-bas et tu glisses et tu vas faire... Bon, tu fais un strike, hein, mais... Oh là là, c'est dangereux. Ok, ouais. Ton doigt est coincé dans la boule de bowling. Ouais, et du coup, le gars d'accueil s'est proposé de m'aider. Et en fait, mon doigt, il est devenu tout bleu, quoi, tu sais, comme il a été serré. Oui. Et en fait, il m'a proposé de me donner de l'arnica chez lui, comme il a dit, t'es pas loin, en fait. De l'arnica chez lui, genre, je vais te mettre de la pommade à la maison. Non, mais tu sais, des petites granules, après de l'arnica. Et toi, tu t'es pas douté d'un truc, toi, tu t'es pas dit... Ah non, et après, devinez, quoi. Ah bah je devine que ça s'est terminé au lit avec le doigt coincé dans les boules. Oh non. Oh non, non. Bah non, je parle des boules de bowling. Ah, moi je pense qu'Amélie avait autre chose quand même à penser, quoi. Elle devait avoir un mal et tout, donc non. Moi je pense que ça s'est terminé au lit. Ah ouais? Oui. Moi je pense qu'il était professionnel, il l'a soigné puis raccompagné. Oh. Mais les deux peuvent se passer. Amélie, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben en fait on a bu un verre Et il m'a beaucoup soulagé parce qu'il m'a bien massé, hein, franchement. Et oui, ça s'est terminé au lit. C'est la technique de drague la plus improbable. Bah oui. Si ça se trouve, c'est lui qui t'avait conseillé la boule, il savait que t'allais te coincer dedans. Merci de nous avoir appelé, Amélie. On te souhaite une belle journée. Mickaël, bonjour. Salut Manu, salut l'équipe. On écoute ton histoire. Alors moi c'était vraiment un truc de fou, une nouvelle collègue de boulot qui pour fêter son embauche, elle venait juste d'arriver, donc elle organise une petite soirée, apéro, dîner, la totale, pour faire plus de connaissances avec tout le monde, mais au final moi j'arrive chez elle, je suis le seul. Mais t'es le seul parce que personne n'était venu ou parce que t'étais le seul invité ? Eh ben j'étais le seul invité, mais persuadé d'être au moins 5-6, on est une dizaine dans la boîte. D'accord. Ah ouais. Donc, et comme l'invitation, elle avait été lancée dans la même journée, j'ai pas eu le temps de voir avec les autres collègues, on en a pas trop eu le temps de discuter, quoi. Ah. Donc t'arrives là et t'es tout seul. Wow. Ouais. Et j'arrive là-bas et je suis tout seul, donc lumière tamisée. Ouais, bah là, à un moment, excuse-moi, mais tu nous vends le truc, est-ce que ça s'est terminé au lit ? Si ça s'est pas terminé au lit, c'est pas de ta faute. Hein. Ouais, j'avoue. Donc là, on va dire que oui, clairement. Bah oui, ah oui. Alors ? Bah, je vous laisse débattre, du coup, et même pas. Même pas parce que je suis un homme marié avec des enfants et du coup j'ai dû vraiment être réglo. Ah. D'accord, mais la raison pour laquelle ça s'est pas terminé au lit. Oh. C'est celle-là, Manu. T'as bien entendu. Merci de nous avoir appelé, Mickaël. Belle journée à toi. Floriane, bonjour. Bonjour Manu, bonjour tout le monde. Est-ce que ça s'est terminé au lit ou pas ? On écoute ton histoire. Alors moi avec des copines, on a décidé d'aller dans un sex shop, un petit peu pour délirer, pour s'amuser. Ah. Et puis une vendeuse nous a conseillé sur des objets coquins, hein, normal. Et à moi, elle m'a proposé de voir tous les sextoys qu'elle avait chez elle. Le chien est bien passé, et à moi j'ai accepté. Excuse-moi, c'est quoi ces histoires qui arrivent au monde sauf à moi ? Mais sors Manu ! Je suis allé quand même quelques fois au bowling, jamais une nana m'a dit « je peux me passer de l'arnica à la maison ». Jamais, jamais. Et là, jamais une nana dans un magasin m'a dit « ça vous dirait de venir essayer les sexoys chez moi ?» Non, jamais. C'est que l'étape d'après, c'est quelqu'un m'a demandé l'heure dans la rue, est-ce que ça s'est terminé au lit ou pas ? Non mais c'est pas possible, c'est mais non. Bon, elle te propose d'aller voir ses sexoys chez elle. T'y allais ? Oui, oui, j'ai accepté. Oui. Voilà, bah d'après vous, ça s'est terminé au lit ou pas ? Oh, entre vous deux ? Bah oui. Wow. Manu est comme un fou. Pour l'instant, c'est un sans faute au niveau de oui. Donc, moi, j'ai envie de dire oui, quoi, clairement. Ah oui. Moi, je dis c'est sûr, si elle y allait, sextoy, la fille, enfin, elle a bien compris le message. Alors, Floriane ? Alors, c'est oui. Je vous explique. Je suis allée, hein, effectivement. J'étais bien accueillie, on a rigolé, on a discuté. Elle m'a montré, effectivement, tout ce qu'elle avait. Elle en avait du matériel. Et puis, on a bu un verre et on s'est embrassés. Et le soir même, non, moi, je me sentais pas trop prête. Donc, ça s'est arrêté là. Par contre, on s'est revus quelques jours après. Ah. Et là, oui, ça s'est terminé. Ah, alors, attends. Ah, excuse-moi, non. Non, non, on avait raison. Ça s'est terminé au lit, mais avec un petit délai. Que des histoires qui se sont terminées au lit. Amélie, Mickaël et Floriane, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Vous savez quoi ? Grâce à vous, j'ai même plus besoin de faire l'amour. Oh, on a pris notre dose. Merci à vous de nous avoir appelés. 6h25, on vient tout de suite. DJ Snake arrive avec Selena Gomez. Bon réveil sur Énergie, c'est Manu dans le 6-9. Manu dans le 6-9. C'est Manu et les ouin-ouin qui, en sortant de leur bain, se secouent les pas des reins. Non, excuse-moi, il y a des jingles, il faut arrêter quoi. Soyons raisonnables. A tout de suite. Bienvenue sur Énergie. C'est Manu dans le 6-9. Vous savez que votre radio est allumée sur Énergie. Parce que vous entendez les plus gros hits toute la journée. Renault Occasion, c'est aussi de l'électrique. On voulait vous faire écouter ceci.

Quoi? Bah t'as compris quoi? Bah t'aimes pas les chats. Bah c'est pas les chats. Ah bah mince alors. Tu vois, hein? J'aurais mieux fait de me taire. Je suis imprévisible. Parce que la réponse c'est le lave-vaisselle. Ah ouais. Ouais. Et là je viens de donner la réponse. Ouais. Ok, bah j'aurais d'autres sondages. Tout de suite les infos. Toute l'actu avec Jean-Charles Gaucher. Salut Manu, bonjour à tous. Le temps ce mardi plutôt humide sur la majorité du pays. Des averses un petit peu partout, sauf dans le Nord, le Grand Est et l'Occitanie cet après-midi. Ce matin, il pleut en PACA. La météo devrait en tout cas s'améliorer un petit peu en fin de journée avant une nouvelle journée bien humide demain. Les températures max pour ce mardi comptaient 11 degrés à Aurillac, 14 au Mans, 16 à Sedan, 16 aussi à Marseille. Et justement, on reste à Marseille, sans doute 10 personnes disparues après l'effondrement de deux immeubles vétustes. Un troisième a été détruit par mesure de sécurité. Au total, 8 habitants, mais aussi 2 passants pourraient donc être ensevelis sous les décombres. Le drame s'est déroulé hier matin dans le quartier de Noailles, près de la Canebière, et serait probablement lié aux fortes pluies des derniers jours. L'un des bâtiments était en ruine, un autre contenait encore une dizaine d'appartements. Les secours ont passé la nuit à fouiller les gravats pour tenter de retrouver des survivants. Le ministre de l'Intérieur s'est montré pessimiste dans la soirée. Le carnet de santé numérique bientôt généralisé, déjà testé dans plusieurs départements. Le gouvernement souhaite en fait généraliser le principe au plus vite. Un espace sur Internet sécurisé, réservé aux médecins et à leurs patients, dans lequel on retrouverait en un clic tous les antécédents et les traitements suivis. De quoi simplifier la tâche du personnel médical et améliorer la prise en charge des malades. Infos et inscriptions chez votre pharmacien ou encore sur dossier médical partagé dmp.fr. Le foot, la Ligue des Champions, Paris doit gagner en Italie ce soir. Le club de la capitale se déplace à Naples pour conserver ses chances de qualification en 8e de finale. Ce sera quasiment fini en cas de défaite. Match à suivre dès 21h, juste après Monaco-Bruges. Une nouvelle page déjà bien remplie. Jennifer confirme son retour gagnant avec un démarrage canon pour son nouvel album dans le top des ventes depuis sa sortie fin octobre. Samedi, la chanteuse sera également à Cannes pour les 20e Energy Music Awards. Elle est nommée parmi les artistes féminines francophones de l'année face à Luan, Jane, Vita ou encore Christine and the Queens. Une ambiance qu'elle connaît par cœur depuis sa première récompense il y a déjà 15 ans. Les Energy Music Awards, c'est le témoignage qu'il y a des gens qui vous aiment. C'est l'occasion de faire un show à l'American. C'est l'occasion de retrouver les copains, de se marrer sur scène, de partager avec le public cannois et de porter des vêtements qu'on ne porterait pas dans notre vie de tous les jours. Et c'est l'occasion éventuellement de recevoir un prix venant du public. J'en ai eu 8 jusqu'à présent. J'ai été la plus chanceuse du monde entier et ça m'a énormément encouragée et j'ai été tellement heureuse de tout ça que d'y retourner avec la bonne humeur, c'est d'autant plus plaisant. Et peu importe si je gagne, bien évidemment, je serai contente. Enfin, si je gagne, c'est mieux quand même. Voilà, interview signée Jean-Baptiste Venin, Jennifer en lice pour un 9e Energy Music Award, verdict samedi en direct de Cannes. Les votes sont ouverts jusqu'à vendredi sur energy.fr. Il est 6h34, c'est la fin de ce flash pour réveiller avec Manu dans le 6-9. Très bonne journée. On est là. Et bonjour. Les sondages du matin arrivent dans 5 minutes, ce sera juste après DJ Steak et Selena Gomez. Écoutez bien, c'est dans la salle de bain que 27% des gens le feront dans les prochaines semaines à venir. De quoi que c'est donc qu'il s'agit? La réponse dans 5 minutes. Ouais. Avant ça, aujourd'hui on est le 6 novembre. Ouh, il y a une journée internationale. Alors attention, ouais. Elle est un peu longue. C'est la journée internationale pour la prévention de l'exploitation de l'environnement en temps de guerre et de conflit armé. Ah, bon, c'est okay. Un peu trop long comme nom de journée, j'avoue. C'est le temps de le dire, en fait, la guerre est finie, tout le monde et tout le monde est rentré chez soi. Donc, on va passer à autre chose. Ouais. Anniversaire. Florent Pagny. Ah ouais. C'est l'anniversaire de Florent Pagny, il a 57 ans. Je trouve rigolo, Florent Pagny. Ah ouais. À quel niveau? Le look. Ah oui. Bah, tu le reconnais, quoi. Tu le vois dans la rue, c'est que c'est lui, quoi. Il a vraiment son look. Ah, ouais. Mais c'est un peu un look de mousquetaire. C'est un peu ça. Point positif d'ailleurs, si un jour la chanson ça marche plus, il peut bosser chez Intermarché. Oh bah oui. Ah bah oui, non, c'est pratique. C'est lourd. Qu'est-ce qu'on a encore? Ah, l'anniversaire d'un homme. Si vous savez qui c'est, vous êtes fort. Vas-y. Jerry Yang. Il a 50 ans aujourd'hui. Jerry Yang. Ça fait patron de nouvelles technologies, un truc comme ça. Absolument. Ouais. C'est un patron de nouvelles technologies. Ouais. Mmh. Écoutez bien, c'est le fondateur de Yahoo. Ah, oh, Salut, c'est lui, le voilà. Et on le connaît pas. Non, c'est marrant, on connaît tous Steve Jobs pour Apple, Bill Gates Microsoft, Mark Zuckerberg pour Facebook, et Jerry Yang pour Yahoo. Le pauvre. Ouais. C'est un signe du destin. Courage et bon anniversaire. 6h36, DJ Snake sur Énergie avec Selena Gomez. Et juste après, dans 3 minutes, c'est les sondages du matin, comme chaque jour pour vous. Bon réveil, merci d'être là, c'est Manu dans le 6, top que vous avez choisi. Bailame comme si fuera l'ultima vez. Y enséñame ese pasito que no sé. Un besito bien suavecito, bébé. Taki, taki, taki, taki, rumba. Prende los motores de Kawasaki. En la discoteca Jenny llegaron los Anunnaki. No le va el va. Oh, oh, oh, oh. I am music, I am flows. Boy, he say he wanna touch it and tease it and squeeze it. With my piggyback is hungry, my nigga, you need to beat it. If the text ain't freaky, I don't wanna read it. And just to let you know, this Panani is undefeated. Hey, he say he really wanna see me more. I said we should have a date where at the Lamborghini store. But I'm a boss, bitch. Who you gonna leave me for? You got no class, you bitches is broke still. I be talking cash shit while I'm popping my gold grill. I'm a whole rich bitch and I work like I'm broke still. The love be so fake, but the hate be so real. El booty sobresale de mi traje. No traje venticito pa' que el nene no trabaje. Es que yo me sé lo que tú crees que tú no sabes. Dice que no quiere, pero se quiere comer el equipaje. Báilame como si fuera la última vez. Y enséñame ese pasito que no sé. Un besito bien suavecito, bebé. Taki, taki, taki, taki, rumba. Could keep it tight every day. And I know you need a taste. Now, ooh, you're falling in love. Give a little ooh, ooh, get it well done. Dance on the mall, make a girl wanna run. We keep moving till the sun come up. Or get high in the party. It's a fiesta. Blow out your candles, have a siesta. We can try, but don't know what can stop me. What my talkie-talkie wants, get my talkie-talkie good. Báilame como si fuera la última vez. Y enséñame ese pasito que no sé. Un besito bien suavecito, bebé. Taki, taki, taki, taki, rumba. Bienvenue sur Énergie. Vita et Slimane arrivent pour vous. Ils seront au Energy Music Awards le 10 novembre. Trop bien. Et le 10 novembre, le jour des Energy Music Awards, entre 10h et je sais pas quelle heure, on fera une émission spéciale. Oui. On sera en direct des marches du Palais des Festivals. Et Vita sera là aussi. Et peut-être que Slimane aussi. Ouais. Et peut-être qu'il y aura Loane aussi. Et peut-être qu'il y aura Soprano. Bon, il y aura beaucoup de monde. Ouais. C'est pour ça que je sais pas combien de temps l'émission va durer. Ce sera à 10h, ce sera samedi, ce sera en public. Vous pourrez, si vous êtes du côté de Cannes, venir nous voir et gagner des places pour la cérémonie le soir même. Ah, génial. Ça, c'est la classe. Ouais. 6h40, voici comme chaque jour, les sondages du matin. Attention, c'est la particularité physique féminine qui plaît le plus aux hommes. D'après vous, quelle est cette particularité? Honneur aux hommes, pour le coup. Ouais. Glandu. Des fesses rebondies. Et ben, c'est pas ça. Ah, d'accord. Ben, c'est peut-être ça, mais en tout cas, quand ils ont répondu au sondage, ils ont pas sorti ça, les hommes. En fait. Nico? Des mains douces? C'est pas des mains douces. Non. C'est les cheveux soyeux? Non. Les filles grandes? Non. C'est sur le haut du corps ou le bas du corps? Le haut du corps. Les yeux bleus? Non, mais c'est sur les yeux. Et à l'écouter, c'est surprenant. Ouais. La particularité physique féminine qui plaît le plus aux hommes, ce sont les grands yeux. Ah, tiens. Ah, ouais. Ah bon? C'est marrant, pas hein. Trop. Comme dans les mangas. Si, ils ont des grands yeux dans les mangas. Ouais, même des fois dans les mangas, les yeux ils sortent. Donc, c'est bizarre. C'est bizarre, des grands yeux. C'est dans la salle de bain que 27% des gens le feront dans les prochaines semaines à venir. Réfléchissez, qu'est-ce qui se passe dans les prochaines semaines à venir? Qu'est-ce que 27% des gens feront dans les prochaines semaines à venir dans la salle de bain? Ils le font seuls ou accompagnés? Ils le font seuls. Seuls, oui. Okay. Parce que s'ils sont accompagnés, du coup, ça casse le truc. Ah. Ils mettent les pieds dans le bidet pour se les réchauffer. Il va, qu'est-ce qui arrive? Il faut avoir un bidet. Ouais. Il faut se dire que pour se réchauffer les pieds, c'est pas un radiateur, ça sert à rien. Mais autant les mettre dans le bidet. Un bain de pied, quoi. Un bain de pied. Non, les gens ne font pas de bain de pied. Quand tu dis que c'est un rapport avec un truc qui arrive, justement, c'est le froid, etc. ou pas du tout? Non, ça n'a pas de rapport avec le froid. Mais c'est un truc sympa qu'on fait dans la salle de bain? C'est agréable? Non, en soi, c'est pas spécialement agréable. C'est lié à Noël? C'est lié à Noël, absolument. Ah, les commander? Les commander dans la salle de bain? Ouais, sur non, Amazon, aux toilettes. C'est pas les commander, c'est cacher les achats de Noël. Ah. C'est dans la salle de bain que 27% des gens le feront dans les prochaines semaines à venir, cacher les cadeaux de Noël. Ah ouais. Toujours, tu vas fouiller. Moi, j'allais fouiller, j'ouvrais le cadeau où avait caché ma mère, je regardais, je refermais. Ah ouais? Je remettais le papier cadeau. Mais moi, je savais où elle cachait les cadeaux à chaque fois. Sûr. C'était au même endroit où elle cachait les bonbons, au même endroit où elle cachait les gâteaux. Elle avait une cachette en fait. C'est pas très bien. C'est nul. Et du coup, je savais. C'est sur les pieds que cela nous arrive le plus. D'après vous, de quoi il s'agit, Paulette? D'être chatouilleux? Non. Justement, d'avoir froid? Non plus. C'est hygiénique? Rien à voir avec l'hygiène. C'est un truc que quelqu'un nous fait ou pas? Alors, c'est pas quelqu'un, mais quelque chose. Mmh. Oula. C'est sur les pieds que cela nous arrive le plus. Ah. C'est quelque chose d'embêtant? Ah oui, c'est embêtant. Ah ouais, on se prend les pieds genre à la table basse? Non, ouais. C'est non. Pas un objet. C'est quelque chose de vivant qui nous fait quelque chose et c'est sur les pieds que ça nous arrive le plus. C'est un animal? Ah oui, c'est un animal. Ah, on se fait mordre? On se fait pas mordre, mais on n'est pas loin. On se fait piquer. Les piqûres d'insectes. Ouais. C'est sur les pieds que ça nous arrive le plus. Et ouais, parce que tu les as pas dans le champ de vision, ces insectes-là, ces trucs-là. Je sais pas s'ils se rendent compte de ça. Hein. Tu crois que les moustiques, ils se font. Écoute, Bernard, on va aller dans les pieds, ils nous voient pas. Je sais pas. Les sondages du matin reviennent demain à la même heure. 6h43, on va s'écouter Vita et Slimane tout de suite. Et juste après. On va répondre à vos questions que vous nous envoyez sur l'application Manu dans le 6-9. Vous en envoyez des messages, vous nous posez des questions, on a des réponses. Peut-être, dans 3 minutes. Je ne sais pas faire, j'ai beau mentir, tout me ramène à toi. Je ne sais pas faire quand t'es pas là. Je ne sais pas faire, j'ai beau sourire quand on parle de toi. Je ne sais pas faire quand t'es pas là. Je n'ai plus rien à perdre, rien à gagner. Je n'ai plus de peine, plus rien à pleurer. Rien c'est déjà trop, tout me semble faux. Quand t'es pas là, ça ne compte pas. Quand t'es pas là, toi, là où les mots font s'aimer les âmes. Si tu l'entends, ça, je te pardonne. Quand t'es pas là, toi, là où les autres ont le cœur qui colle. Si tu le veux, prends, je te le donne. Sans un signe, plus rien de nous deux. Je reste digne même si ça fait mal. Quand t'es pas là. Quand t'es pas là, toi. Là où les mots font s'aimer les âmes. Si tu l'entends, ça, je te pardonne. Quand t'es pas là, toi. Là où les autres ont le cœur qui colle. Si tu le veux, prends, je te le donne. J'ai beau mentir, tout me ramène à toi. Je ne sais pas faire quand t'es pas là. Je ne sais pas faire. J'ai beau sourire quand on parle de toi. Je ne sais pas. Quand t'es pas là, toi. Là où les mots font s'aimer les âmes. Si tu l'entends, ça, je te pardonne. Quand t'es pas là, toi. Là où les autres ont le cœur qui cogne. Si tu le veux. Sur Énergie, 6h46. On va s'écouter Alvaro Soler, ça fait longtemps. Ah ouais. C'est-à-dire qu'il va commencer à neiger partout en France, mais nous, on reste bloqués en été, on est bien. Alvaro Soler, c'est dans deux minutes. Et avant ça, vous nous posez des questions régulièrement sur l'application Manu dans le système. Vous pouvez la télécharger. Et le gros truc de cette application, c'est que vous pouvez nous envoyer des messages vocaux. Ouais, c'est trop bien. Donc vous pouvez y aller, vous dites ce que vous voulez, et parfois vous nous posez des questions, et ben on y répond. C'est parti, écoutez bien. Première question. Coucou, je viens de rentrer à la maison exprès pour chercher mon portable que j'avais oublié. Vous faites quoi quand vous oubliez votre portable? Vous rentrez de nouveau pour le chercher ou vous allez au travail sans lui? Alors, c'est très simple, nous sommes tous accro à nos portables. Je sors de chez moi, même si je vais être en retard et que j'ai oublié mon portable, je rentre. Ah ouais, je vais même vous dire un truc, j'ai un deuxième portable. Sérieux? Quand je pars en vacances, si j'ai le stress de casser, ça m'est déjà arrivé de péter ton portable ou de le faire tomber dans l'eau. Ouais. Et tu te sens nu. J'ai un deuxième portable avec une deuxième carte SIM. Oh, c'est marrant, avec mon abonnement, ils avaient dit vous pouvez avoir une deuxième carte SIM de secours. Ouais. Je l'ai prise. Et du coup, mon ancien portable avec la carte SIM, c'est mon truc que j'ai chez moi. C'est trop bien ça. Ah, on est un trésor quoi. Moi j'ai ça avec le portable aux toilettes moi. Tu sais que je me suis déjà retenu d'aller aux toilettes parce que j'avais plus de batterie et je vais jamais aux toilettes sans mon portable. Je m'ennuie quoi. Et moi non plus. Ouais bah voilà. Mais du coup je devrais en mettre un comme toi dans les toilettes pour en avoir toujours un disque. Mais je sais pas comment on faisait avant. Mais non plus. Mais comment ils faisaient nos grands-parents? Ils faisaient pas caca. Je pense pas. C'était Jules. Je vois pas d'autre chose. On continue vos questions sur l'application Manu dans le 6-9. Salut Manu, dis-moi, j'avais une question à te poser. Est-ce que t'as déjà eu envie de pécho une personne de l'équipe? Salut. J'adore. Génial. Alors non. D'accord. Alors je suis désolé de vous vexer. Bon, non. Ouais, ça a l'air très vexé. Je parle pour Glandu. J'aurais pas dit non. Alors honnêtement non, je sais pas si vous avez déjà eu l'idée, mais moi j'avais rêvé du zizi de Nico quand même une nuit. Oui mais attention, mais c'était non, un rêve. On parle pas de rêve, on parle d'avoir envie de te dire tiens peut-être que pourquoi pas. Ah bah non. Ouais, non. Le fantasme avec Isabelle un peu de la maman. Hein. De ce côté-là, quoi. Non, je ne l'ai pas eu. Potentiellement, quelqu'un aurait pu l'avoir, quoi. Ah ouais. Tu vois en Isabelle la mère de tes potes quand t'étais ado. Ouais, ça marche. C'est bon, je suis pas si vieille. Elle est là, les gars. J'aime bien l'idée. Oh non. Allez, on continue vos questions sur l'application Manu dans le 6-9. Salut Manu, salut les ouin-ouin. Alors voilà, je voulais savoir si vous aviez des phobies un peu bizarres. Par exemple, moi, j'ai une phobie particulière des toilettes publiques et surtout des poignées de porte de toilettes publiques. Alors, suis-je le seul ? Alors, je vais te dire un truc, j'ai pas la phobie des poignées de porte de toilettes publiques, mais à partir de là maintenant, c'est-à-dire début novembre jusqu'à février, je suis phobique de la gastro. Ouais. Je veux pas avoir la gastro, donc je ne touche aucune poignée de porte. C'est pratique. Mais parce que c'est comme ça que ça se transmet par les mains. Ouais. Je ne serre pas la main et je ne touche aucune poignée de porte. Quand je vais aux toilettes, non mais quand je vais aux toilettes à énergie, une fois que je me suis lavé les mains, la porte, je mets mon pull autour de ma main, et je tourne la poignée comme ça. Donc ne t'inquiète pas, tu n'es pas seul à être taré sur terre. Je suis là aussi. Ouais. Je sais pas si vous avez des phobies un peu débiles, Paulette. J'ai peur du verre cassé. Genre vraiment, ça me fait très très peur. Le verre cassé. Le verre cassé, j'ai l'impression que ça va me sauter au visage, se mettre dans mes yeux et les crever. Et dire quand tu vois du verre cassé par terre. Ah c'est horrible, je peux pas nettoyer. Quand j'étais serveuse, j'étais là, désolé les mecs, ramassez ce que j'ai fait tomber parce que je peux pas, je peux vraiment pas. En fait, je me demande pour quel métier t'es faite. Et là, parce que à chaque fois, Paulette, il lui arrive toujours des trucs dans ses métiers qui sont incompatibles avec ce qu'elle fait. Voilà. Non mais oui, t'es ici, mais parce que nous, je sais pas, on a un niveau de tolérance qui est dingue quand même. Non, parce que je vous rappelle que Paulette arrive systématiquement en retard à tout ce qu'on fait. Ouais. Et de deux, la raison, c'est qu'elle fait une sieste. Mais tout le temps. Oui, mais au moins, j'arrive reposée. Ah oui, mais on a déjà fini ce qu'on veut faire. C'est ça. Et en plus, on se fait insulter quand on arrive en retard. Vous avez des phobies un peu spéciales, un peu bizarres, Nico ? C'est vrai, moi, sur les coffres de voiture, moi. Depuis que mon frère, il m'a enfermé dedans quand j'étais enfant. Et j'en ai peur encore aujourd'hui. Mais tu m'étonnes. Qui c'est qui t'avait enfermé ? C'est mon frère, mon grand frère. Ouais, il fait deux têtes de plus que moi et tout. C'est pas bien, j'avais pas le choix. Ton grand frère, le même qui t'avait mis la tête dans ton gâteau d'anniversaire ? Ouais, ça c'était deux ans plus tard. C'est dur. J'adore ta vie de famille. C'est une horreur. Vous avez des phobies bizarres, Glandu ? Non, honnêtement, j'ai rien qui m'effraie vraiment dans la vie. Ah ouais ? Non, j'ai pas de phobie. Tu sais ce que je dis ? Je dis la vie est un jeu et chaque lancée de dés est un nouveau défi. C'est ce que je me dis. Ouais. Non mais en gros j'ai pas. C'est-à-dire que est-ce que tu serais prêt à jouer ta vie à un lancer de dés? Quand je dis pas, en fait on lance, je sais pas, on lance des dés et selon le chiffre qui arrive sur le dé, ta vie c'est ça. Genre ça décide chaque. Ouais, ça me ferait marrer. Bon, c'est compliqué les dés, un pile ou face. Non, putain, oui, je sais, je sais. Oh, laissez-moi, je crée. Ouais. Ouh là là. Où j'ai peur. Je suis pas sûr. Non, mais regarde, on fait un. Ça doit se mettre en place. Mais ouais. Imagine, tu fais ta journée. Ouais. Mais à chaque fois que tu dois faire un choix, c'est pile ou face. Et selon le résultat, tu fais ou pas. Exemple, t'es en voiture. Ouais. Tu dois faire le plein. Ok, sinon tu vas tomber en panne. Ouais. Pile, tu fais le plein, face, tu tentes de rentrer chez toi. Oh putain. Vous allez jouer à ça là, c'est les drôle. Mecs. Non, je propose, ça peut être pas mal ça. Ok. Je suis chaud, vas-y. Monsieur, ouais. La vie est. Je sais pas quoi. Ouais. Non, mais bah, ça me fait pas peur. Ok. Vendu, on va le faire. Ouais, ouais. Oh là c'est là. Bien parce que la dernière fois que vous avez fait un défi avec Glandu, Manu, il a fini en béquille 2 semaines. Ouais, ça me fait pas peur. Mais la vie est un défi. Ouais, ouais. Tu sais quoi, c'est ce qu'on mettra sur ta tombe. On va mettre ça en place. Okay. La journée glandue au pile ou face, ça peut être pas mal. Très bien, très avec bien. Tout le monde qui propose des choix. Oh, c'est okay. Bien. 6h52. N'hésitez pas à nous envoyer des messages sur l'application Manu dans le 6-9. Elle est pour vous, elle est gratuite évidemment. Alvaro Soler, tout de suite sur Énergie. Destaca cuando anda, va causando impresión. Cada día cuando levanta, brilla como el sol. Su vestido de seda. Calienta mi corazón como en una novela en la televisión. Me acerco a ti, bailemos, juguemos, acércate, oh. Porque mi cintura necesita tu ayuda. No lo tengo en las venas y no la puedo controlar. Creo que mi cintura choca con mi cultura. Tropiezo con la arena, ya no me puedo controlar. Y bajando, bajando, olvidando, olvidando que estoy bailando, bailando, y así hasta el amanecer. Porque mi cintura necesita tu ayuda. No lo tengo en las venas, voy a aprender a controlar mi cintura, cintura. Que no bajamos a la playa para así practicar pronto por la mañana y así no hay nadie más. Cuando bailo contigo tu cuerpo me da calor, besito a besito mi fruta de la pasión. Me acerco a ti, bailemos, juguemos, acércate, oh. Porque mi cintura necesita tu ayuda, no lo tengo en las venas y no la puedo controlar. Y bajando, bajando, olvidando, olvidando que estoy bailando, bailando, y así hasta el amanecer. Porque mi cintura necesita tu ayuda, no lo tengo en las venas, voy a aprender a controlar mi cintura, cintura. Ven hacia mí como las olas del mar. Ven hacia mí que ya no puedo parar. Ven hacia mí como las olas del mar. Ven hacia mí, ya no puedo parar. Y bajando, bajando, olvidando, olvidando que estoy bailando, bailando, y así está el amanecer. Mi cintura, cintura. Sur Énergie, il est 6h55, on va s'écouter Dadju, on va doubler votre salaire dans 10 minutes pile et tout de suite, attention, breaking news. Après des années de on revient mais finalement non, et puis si, et puis non, et puis non, et puis si, et puis j'en sais pas, c'est officiel, elles l'ont annoncé elles-mêmes hier. Est-ce que vous êtes au courant? Oui. Paulette? Je suis au courant, je le dis? Ah bah dis-le. Les Spice Girls. Oui. Les Spice Girls sont officiellement de retour. C'est dingue. Elles seront en tournée en 2019, d'abord en Angleterre. Alors les billets seront mis en vente la vendredi là, ouais. À partir de 10h30. Alors petite particularité, elles seront 4, pas 5, parce que Victoria Beckham ne participera pas. Oh non, ouais. Ouais, c'est quand même l'âme du groupe, Victoria. Bon, toutes, hein, c'est l'âme du groupe. Ah, elle est importante. Si je peux me permettre, j'étais très vexée contre elle, mais en même temps, je l'aime beaucoup, hein. Mais elle chantait pas. Elle chantait très peu, Victoria Beckham, en fait. Oh, comment elle balance. Oui, moi je suis trop fan. Après, je pense que c'est le groupe qui aura le plus teasé son retour depuis des années. Ouais. sans jamais nous demander si on était d'accord. C'est vrai. Alors que bon. Quoi? Si. Ah non. Bah, ça va se okay. vendre en 5 t'arrive, minutes les places. Ok, non mais attends, t'arrives au concert des Spice Girls. Ouais. Ok, et pendant 2 heures après, tu fais quoi? Et tu danses, tu chantes, c'est des tubes. Je suis pas sûr. Ouais. Non, c'était des tubes. Hey, ça a 20 ans, les amis. Et, ouais. Et surtout, elle faisait des grands écarts et des coups de pied. Je suis pas sûr que. Ah bah, elle... Ah bah là, elle fait un grand écart, ça fait ventouse, elle bouge plus. Non, hein. Ça va pas ou quoi? Quelle horreur! Vous êtes des grands malades. Hein. Excuse-toi. Elles sont hyper sportives et tout, ça va aller tout seul. Elles étaient! Mais elles prennent soin d'elles, elles le soient encore. Mais faut que tu regardes les photos, elles ont des corps impeccables. Elles sont incroyables, ces filles. Elles sont impeccables. Alors, tu sais comment ça s'appelle, ça? Quoi? Photoshop. Bon, allez, 6h57, on revient tout de suite. Si je t'ai vu, je suis jaloux. Avec Dadju, ça arrive juste après les infos de 7h. Et à 7h05, on double votre salaire. Bon réveil. Malu dans le 6-9. C'est les ouin-ouin du matin sur Énergie. Énergie. Vous avez défendu vos stars énergie préférées. Vous avez voté pour elles pendant plus d'un mois. Elles seront à Cannes, samedi soir, pour les Energy Music Awards. Le Crédit Mutuel donne le la aux Energy Music Awards avec Refix.fr, samedi soir à 21h. En direct sur TF1 et Energy. It's music only. Il y a d'abord eu cette incroyable cuisine qui m'a totalement hypnotisée. Et puis ensuite, tous ces équipements offerts qui, eux, m'ont complètement électrisée. Du 2 au 30 novembre, chez Cuisine Plus, le pack électroménager est offert pour 1 euro de plus à partir de 3000 euros d'achat de meubles selon barème progressif. Cuisine Plus, c'est fou comme c'est vous. Voir conditions en magasin sur cuisineplus.fr. Aya Nakamura présente son nouvel album Nakamura. Dja Dja et Copine, déjà 2 tubes sur le nouvel album d'Aya Nakamura. À écouter sur Spotify. Merci David, merci Cynthia, merci Alex évidemment, merci Mathilde, merci Farid, merci aussi Pierre, merci à vous tous. Ixina, élue meilleure chaîne de magasins de l'année dans la catégorie cuisine, grâce à vous. Téléchargez l'appli Énergie, gratuite, sans abonnement, avec tous les podcasts Énergie. Énergie, it music only. Alors, comment allez-vous depuis la dernière fois? Je vois des réductions partout, des prix toujours plus bas. Et cette fois-ci, c'est sur les cuisines. Je ne vais pas pouvoir résister, je vais refaire ma cuisine. Oui. Jusqu'au 26 novembre, c'est la folie des prix bien faits chez La Paire. Et on vous offre 15% de remise sur tous les meubles de cuisine. La Paire, le savoir bien faire. Cuisine, salle de bain, menuiserie. Conditions sur lapaire.fr. En ce moment, ce sont les tickets d'or dans les magasins U. Esteban demande à une hôtesse de caisse. C'est quoi les tickets d'or? Avec votre carte U, vous pouvez gagner jusqu'à 250 euros carte U en grattant un ticket d'or. Remis à partir de 25 euros d'achat ou l'achat d'au moins un produit de marque partenaire. Il y a 6 millions d'euros carte U à gagner. 6? Non. Si, 6 millions. Eh oui, ça fait beaucoup. Jeu avec obligation d'achat du 6 novembre au 2 décembre sur présentation de votre carte U. Les euros carte U gagnés sont à verser jusqu'au 9 décembre à l'accueil du magasin. Règlement du jeu sur magasinu.com. U. Commerçons autrement. Roulez en Peugeot maintenant, commencez à payer en 2019. Si vous avez hâte de conduire la compacte urbaine Peugeot 208 et si vous êtes impatient de déjouer les contraintes de la ville et de vous garer facilement avec son parc assist, alors n'attendez pas l'année prochaine. Rendez-vous chez Peugeot. En ce moment, bénéficiez des 2 premiers loyers offerts et repartez immédiatement au volant de votre Peugeot 208. LLD 37 mois 30 000 km jusqu'au 31 décembre sous réserve d'acceptation crédit par détail sur Peugeot.fr. Réglez ma conso d'énergie sur 67 euros ce mois-ci. Faites des économies avec votre plus belle voix. Découvrez Soi, le seul fournisseur de gaz naturel et d'électricité verte avec une station connectée à commande vocale pour faire jusqu'à 16% d'économie d'énergie. Soi est une filiale d'EDF. Conditions, éligibilité, liste des opérations pilotables à la voix et détails des économies d'énergie possibles sur Soi.fr. Soi s'engage à ce qu'il y ait autant d'électres renouvelables que d'électres consommés injectés dans le réseau. L'énergie est notre avenir, économisons-la. Manu dans le 6-9. 6h, 9h30. Sur Énergie. Il est 7h01 qu'on amène le coq. Et qu'on le fasse chanter. Énergie. Énergie. On va doubler. retrouver votre salaire juste après les infos et on va s'écouter le dernier d'Adieu. Toute l'actu avec Jean-Charles Gaucher. Salut Manu, bonjour à tous. Ça se gâte comme prévu ce mardi. On trouve beaucoup plus de nuages et de pluie qu'hier. Des éclaircies, un temps assez sec sur le nord, le Grand Est et l'Occitanie, mais des averses dans toutes les autres régions en principe. Ça devrait en tout cas s'améliorer un petit peu en fin d'après-midi, notamment en PACA. Même genre de météo demain. Les températures max pour ce mardi comptaient 13 degrés à Angers, 15 à Biarritz, 16 à Fréjus et Marseille, 17 pour Valenciennes. La colère à Marseille. Deux immeubles se sont effondrés hier matin en plein centre-ville dans le quartier de Noailles. Un troisième a dû être détruit par précaution. Les bâtiments étaient vétustes. L'un d'entre eux abritait encore une dizaine de logements au moment du drame. Huit habitants sont portés disparus, mais deux passants pourraient aussi être piégés sous les décombres. Les secours ont bien évidemment fouillé toute la nuit pour retrouver des survivants. Le ministre de l'Intérieur s'est montré pessimiste dans la soirée. Les fortes pluies des derniers jours pourraient être à l'origine de la catastrophe. Le locataire de la Maison Blanche a mi-mandat. Les Américains sont donc appelés à voter pour les midterms aujourd'hui. Une grande partie du Congrès, l'équivalent du Parlement, doit être renouvelée. La plupart du temps, il s'agit d'un référendum pro ou anti-président des États-Unis. Pendant la campagne, de nombreuses personnalités comme Taylor Swift ou Brad Pitt se sont clairement opposées à Donald Trump. Des carburants à prix coûtant, soit quelques centimes de moins au litre, c'est le geste très remarqué de plusieurs grandes enseignes de supermarchés. Leclerc, Carrefour ou plus localement Intermarché et Système U proposent ces prix réduits pendant quelques jours, voire quelques semaines. La grogne continue en fait contre les tarifs à la pompe. La mobilisation et les blocages prévus un petit peu partout en France se confirment pour le 17 novembre. Paris en mode commando. Le PSG doit gagner ou au moins ne pas perdre pour conserver ses chances en Ligue des Champions. Une défaite ce soir à Naples serait quasiment synonyme d'élimination avant même les huitièmes de finale. Le coup d'envoi en Italie sera donné à 21h. On pense aussi beaucoup à Monaco qui accueille juste avant les Belges de Bruges. C'est le jour J. Ouverture ce matin de la billetterie SNCF pour les vacances d'hiver. La période allant du 10 janvier au 8 mars, celle du ski. Premier arrivé, premier servi, comme d'habitude, avec des prix réduits. À surveiller donc ce matin sur Oui SNCF. Les Energy Music Awards, c'est samedi à Cannes, mais avant il y a les Energy DJ Awards, et ça c'est demain à Monaco. Ça va secouer sur le rocher. Jonas Blue, Ugel, Offenbach, Feder, Sound of Legend, Bassada, The Parakeet confirment ce matin leur présence à la cérémonie. À vivre donc ce mercredi sur les réseaux sociaux d'Energy. Sinon, on termine avec une tournée événement, celle de Muse, qui passera par chez nous l'an prochain. Trois concerts programmés le 6 juillet au Stade de France, le 9 au Vélodrome de Marseille, puis le 16 au Matmut Atlantique de Bordeaux. La billetterie ouvre dans 10 jours. 7h04, c'est la fin de ce flash. On est le mardi 6 novembre. Bon réveil, bonne matinée sur Energy avec Manu dans le 6-9. Bonne journée. Et bonjour. Il est 7h04, on est mardi, c'est le 6 novembre. Bonjour mardi! Bonjour mardi! Tous les mois du matin sont là, vous les entendez. Il y a Isabelle. Ouais, salut. Il y a Nico. Salut. Il y a Glandu. Chaud. Il y a Paulette aussi. Et nous. On va s'écouter Dadju. Ça arrive dans 3 minutes. Mais avant ça, il est temps, les amis, de doubler votre salaire comme chaque matin, 7h05 et 8h05. Manu dans le 6-9. Tous les matins sur Énergie. Manu double votre salaire. Il suffit de vous inscrire, vous allez sur manudansle69.com. Il y a aussi l'application manudansle69 qui peut vous servir. Et je vous rappelle qu'évidemment, comme chaque jour, comme tout le temps, c'est gratuit. Il n'y a pas de numéro surtaxé, il n'y a pas de SMS surtaxé. Vous y allez chaque matin et ça vous donne une chance de le faire. Bah ça oui. vous donne une chance d'avoir votre salaire doublé. Et aujourd'hui, cette chance, c'est Damien de Lyon qui l'a prise. Il a 24 ans, il touche 1 835 € chaque mois. Damien, c'est parti, on t'appelle pour te doubler ton salaire. Attention. Damien, décroche ce téléphone. S'il te plaît. Hein? Damien ne dit pas l'eau. Damien dit. Ouais. C'est Damien? Oui. C'est Damien de Lyon? Oui. Bonjour à toi, Damien. J'ai une question à te poser. Oui. Quel est le seul animateur radio qui double ton salaire? C'est Manu sur Énergie! Oui! Ah ouais, eh ben voilà Damien, c'est fait. Ah ouais, super content, ouais. 1 835 €, c'est ton salaire. Eh bien, je vais le doubler, ça va faire 3 670 € pour toi. Oh là là, c'est génial. C'est génial, merci beaucoup Manu, merci. Je t'en prie. Alors attention, on va rester quelques temps avec Damien au téléphone, les amis. J'ai son emploi devant les yeux. Son métier. Oh. Ouais. Écoutez bien. Si je t'ai... Damien est... enquêteur à la police judiciaire. Oh, ouais. La classe. Oh, stylé. Il c'est peut faire cool. Sauter les bébés. Ah oui, entre autres. Oh bah je vois pas d'autre truc, hein. Bon, enfin, Manu. T'es un vrai enquêteur, quoi. Exactement. Oh, à la police judiciaire, à la brigade des stupéfiants. Wow, la famille. Tiens, voilà. comme dans les films, comme dans les séries. Ouais. Pratiquement, ouais. Oh, mais c'est génial. Ouais, oui. T'es mon premier enquêteur de police judiciaire. T'as le pistolet. J'ai le pistolet, j'ai tout ce qu'il faut. Oh, comme un vrai enquêteur, comme à la télé. Et comme à la télé, genre tu peux sonner chez les gens et tu dis police judiciaire et tu montes ta carte. Oui, mais généralement ils aiment pas trop ça. C'est pas la partie qu'ils préfèrent. Ah ouais. Parce ouais, que quand on va chez les gens, c'est que généralement c'est pas bon. Ah, ok. Ah, oui. C'est quoi, c'est pour ça, moi j'ouvre jamais. Hein. Non, parce que comme ça, si c'est la police au moins, il n'y a pas de problème. Et puis si c'est les pompiers pour le calendrier, je garde ma monnaie. Super. Nico. Et Damien, t'as déjà résolu une grosse affaire? Alors, moi j'y suis depuis 2 ans. Et la plus grosse affaire en termes de quantité que j'ai fait, c'est 580 kilos de résine de cannabis. Ah oui? Bon, c'est pas mal quand même. 580 kilos. Et c'était un mec dans la rue. Hein. Alors, il était facile à rattraper, il tournait en rond autour d'un poteau. Le mec était stone. Et est-ce que, comme dans les films, tu mets ton petit doigt dans la drogue et tu goûtes comme ça pour voir si c'est pas du sucre? Tu sais, ils font ça dans les films. Oui! Le cliché. Mais attends, mais ça, c'est une. Ouais. Dans tous les films, ouais. T'as toujours le mec qui fait on va voir ce que c'est. Et puis. C'est ça. Ouais, et comme par là, le mec il sait d'où ça vient. Ouais, c'est ça. Dans les films, c'est incroyable. Comme s'il avait marqué le nom de la ville. Ouais, ça c'est Tombouctou, ça. Incroyable. Vous faites ça en vrai ou pas du tout? Alors non, nous on est plus dans le respect des textes. On utilise un petit test en fait à réaction chimique. Ah. Et quand c'est de la drogue, et ben ça réagit d'une certaine couleur. Et ouais. Et il y a des fois tu peux te tromper? Genre tu crois que c'est de la drogue mais en fait c'est du sucre? Non, généralement c'est fiable à 99,99%. Ah, d'accord. Mais sinon, tu peux arrêter tous les mecs qui sortent dans le supermarché avec des kilos de sucre. Oui, c'est de la drogue. Exactement. Tu peux être un inspecteur totalement nul. Hein. Il est où Damien là? Là, il est encore à la boulangerie. Ah non, mais je sais pas comment il a eu son diplôme, il est sacrément con. Hein. C'est incroyable. Hein. Il ressort avec une mamie. J'espère que mes collègues ne parlent pas comme ça. Ouais. Je sais pas, Damien. On te double ton salaire, bravo à toi. 3 670 €, ça arrive très vite pour toi. Eh ben c'est génial, merci beaucoup. Attends, Damien, avant toi, il y a Paulette, elle fait des bons sur sa chaise. Qu'est-ce qu'il y a? Mais je veux savoir si Damien, il porte une veste en cuir. Pour moi, tous les enquêteurs, ils portent une veste en cuir. Dans les alors, c'est vrai, mais Paulette, il faut que tu arrêtes de regarder des séries des années 80. Mais bon, est-ce que tu portes une veste en cuir? Alors, moi, personnellement, non. Oh. Après, j'ai des collègues qui portent une veste en cuir. Ah. Ouais, mais c'est ceux qui vont être à la retraite dans pas longtemps. Damien, bravo à toi. 3 870 €, ça arrive très vite pour toi. C'est génial, merci beaucoup. Merci à toi et on t'envoie effectivement tout ce qui est PV, etc. 3 860. Il n'y a pas de problème. Belle journée à toi, 7h10, ça peut vous arriver vous aussi, il suffit de vous inscrire. Energie.fr ou Manu dans le 69.com tous les matins à 7h05 et 8h05, on double votre salaire. Dadju tout de suite pour vous, c'est son dernier hit, c'est Jaloux. Bon réveil. Je sais pas à quoi tu t'attendais. Avec moi y'a pas d'histoire de c'est juste un ami. Ah, à qui tu veux faire avaler. Que ton corps ne dérange pas tes soi-disant amis. Mais t'inquiète pas, je ne doute pas de nous. Ensemble on est stylé, c'est pas une question de fidélité. Le problème ne vient pas de nous. Les hommes je les connais, j'ai moi-même été de l'autre côté. Oui j'ai fait du mal à je ne sais combien de femmes. Et j'ai peur que tu deviennes mon retour de flamme. Je te dis que j'ai fait du sale à je ne sais combien de femmes. Et j'ai peur que tu deviennes mon retour de flamme. Ma chérie tu es jolie, avec un corps impoli. Les hommes sont sans pitié, interdit de les approcher. Avec le temps tu embellis, t'es mieux que ça Balotelli. M'en veux pas de me méfier, homme femme y'a pas d'amitié. Si je t'aime je suis jaloux, quand j'aime je suis jaloux. Si je t'aime je suis jaloux, ta main veut dire que tu m'appartiens. Mon bébé, tu es le mien. T'es la femme de quelqu'un. Ce qui brille sur ta main veut dire que tu m'appartiens. Yeah. Je sais toujours pas à quoi tu t'attendais. Les hommes n'ont pas grandi dans la logique de devenir juste des amis. Je sais toujours pas à quoi tu t'attendais. Enlève-moi tout de suite toutes ces bêtises de ton esprit. Sois pas naïf, non, méfie-toi de tout. De tout et de tout le monde, en commençant par le sexe opposé. Si je te dis méfie-toi de tout, de tout et de tout le monde, c'est que mon tour finira par arriver. Oui, j'ai fait du mal à je ne sais combien de femmes, et j'ai peur que tu deviennes mon retour de flamme. Je te dis que j'ai fait du sale à je ne sais combien de femmes, et j'ai peur que tu deviennes mon retour de flamme. Ma chérie, tu es jolie, avec un corps impoli. Les hommes sont sans pitié, interdit de les approcher. Avec le temps tu embellis, t'es mieux que ça Balotelli. M'en veux pas de me méfier, homme, femme, y'a pas d'amitié. Si je t'aime, je suis jaloux. Quand j'aime, je suis jaloux. Bienvenue sur Énergie, il est 7h13, on va écouter The Prince Karma. Later, bitches. Later, bitches. Ah ouais. Ça arrive pour vous dans 3 minutes. Avant ça, on va parler alcool. Ah, oh là, alors, okay. Ouais. J'ai trouvé une liste des signes qu'on va pouvoir compléter. Ouais. Où on sait que là, on a trop bu. Ah, d'accord, d'accord. D'accord. Donc on met la modération de côté juste pendant 3 minutes. Il peut arriver à un moment, bah, oui. À partir du moment où t'es pas Sam, ouais. Voilà, où tu bois un verre, deux verres, trois verres, et tu bois un peu trop, mais tu t'en rends pas forcément compte. Ouais. Mais là, oui. J'ai une liste des signes, d'accord. Où effectivement on s'en rend compte. Exemple, quand on commence à parler une langue étrangère couramment. Ah, ben ah oui, c'est vrai. Oui, oui, oui. Enfin, quand on commence à penser qu'on sait parler une langue étrangère couramment. C'est ça. Il y a aussi quand il manque beaucoup de lettres à nos SMS. Ah ouais. Oh non. La même chose, mais quand on essaye de parler. Oui. Ah, quand il manque beaucoup de mots dans nos phrases. Et le pire, c'est quand ton pote te comprend. C'est que tous les deux. Il y a un souci. Dans la liste des signes, on sait que là, on a un petit peu trop bu. Il y a aussi quand on a une grosse envie de danser en étant persuadé d'être doué pour ça. Ah ouais, c'est génial. Il peut arriver le moment où, allez, là, j'y vais. Ouais. Bah c'est là où tu montes sur le petit podium, il y a une barre de pole dance, tu sais pas pourquoi. Tu serais pas allé en temps normal. Jamais de la vie. Et là, Morito de trop, allez, la barre, elle est à moi. Exactement. Et personne ne te juge, heureusement. Ouais. Sauf celui qui prend des photos et une vidéo qu'il va ensuite poster. Dans la liste des signes, on sait que là, on a trop bu. Il y a aussi quand on commence à trouver tout le monde attirant. Ah oui. Ah ouais. C'est vrai qu'il y a un moment dans la soirée, ouais. Tu bascules de l'autre côté où ouais. Tout le monde est beau. C'est ça. Ouais. Tout le monde est merveilleux. Mais moi j'ai un copain comme ça, il me dit je l'avais jamais envisagé comme ça. Je fais oui, mais. C'est normal parce que quand tu es au travail, tu n'es pas à 4 grammes. Écoutez, je vous propose de compléter cette liste. Ouais. Voilà. Ah. À quel moment vous savez que là, vous avez un peu trop bu? 0870 42 48, vous pouvez y aller. Glandu? Ouais, c'est quand je commence à noter les filles dans la soirée. Oh, ça c'est pas bien. Non, c'est pas bien. Je dis pas que c'est bien. Tous les hommes, et moi le premier, je dis c'est pas bien. Ouais. Mais tout le monde l'a fait. Ouais. Sans déconner. Avec des copains? Je vais dire un truc, mais l'échelle des verres, c'est un truc, c'est pas bien ça. Ouais. C'est quoi? Mais comme tu, vous expliquer. Comme tu l'as dit, on commence à trouver les gens attirants. Donc les notes, mais on monte vers le haut. Mais exact, avec un pote, mais c'est vraiment pas bien. Je vous raconte un truc que j'ai fait que je ne fais plus. T'as honte, je vois que t'as honte. Honnêtement, oui. Ça nous faisait rire à l'époque. Il y a longtemps. On avait l'échelle des verres. C'est-à-dire qu'en fait, on arrivait par exemple à une soirée et on regardait une fille, on disait elle, ouais, au bout de 4 verres. Oh, c'est horrible, hein? Ah ouais, c'est dégueulasse! Mais c'est dégueulasse! Mais attends, j'avais des copines, elles faisaient pareil avec les mecs. Oui! Ah, ouais. Et en fait, ce qui est drôle, c'est qu'au début de la soirée, tu vois une fille, tu dis c'est une 5 verres, ouais. La soirée se passe, ouais. Et 3 heures après, tu revois la même fille et tu dis non, c'est juste un verre. Elle. Parce que t'as eu les 4 d'avant. Ouais, c'est horrible, hein? C'est horrible. Oh, je suis désolé, mais oui, effectivement, c'est un signe que t'as un peu trop bu. Ouais. Tu donnes des notes. Ouais. Les signes qui montrent que vous avez un peu trop bu, Paulette? Moi, c'est quand je ferme un œil pour mieux y voir. Et je ferme un œil et là, je fais ça y est, ma vue est droite. Ouais. Et là, je me dis, rentre. T'arrives pas à avoir le focus sur deux verres, sur deux œufs. On peut continuer un petit peu, bien sûr, en buvant avec modération. Voilà. 0870 42 48. Quel est le signe qui vous montre que là, peut-être vous avez un peu trop bu. Vous pouvez nous appeler. On revient tout de suite. Manu dans le 6-9. C'est Manu sur Énergie. Music only. Marianne James. Bon, j'ai été jury de la Nouvelle Star pendant plusieurs années. Pourquoi ? Parce que je pensais que Manu allait participer. Et quand on m'a dit qu'il ne viendrait pas, j'ai arrêté, tout simplement. Manu dans le 6-9. Manu dans le 6-9 sur Énergie. Et ce soir, elle est dans la France, a un incroyable talent sur M6. Ouais. J'adore cette émission. J'adore cette émission parce qu'il y a plein de trucs mélangés. Je sais pas ce qui va arriver. Tu passes d'un chanteur à un magicien, un danseur de hip-hop, un imitateur, un trapéziste, un mec qui fait des proutes avec ses mains. Non, vraiment. Oui, c'est vrai. Vous rigolez, mais c'est souvent lui qui gagne à la fin. Donc, Allez, 7h20, voici Georges. Manu dans le 6-9, l'appel automatique de Georges. Comme tous les matins, l'intelligence artificielle la plus embarrassante de France est chez nous. Et aujourd'hui, Georges appelle quelqu'un pour lui annoncer que sa commande est arrivée. Sa commande d'agrandisseur de pénis. Oh. Ouais. Écoutez. Allô ? Bonjour, ceci est un message automatique. Oui, bonjour madame. Notre clinique de chirurgie esthétique a bien validé votre opération, prévue pour la semaine prochaine. Oh là, attendez. Moi, j'ai pas d'opération à la clinique la semaine prochaine. Votre demande concerne une augmentation de la taille de votre pénis. Une augmentation de pénis ? Ah non, mais là, moi, j'ai pas de... Vous êtes quelle clinique ? Intervention validée. Et alors, écoutez, vraiment, il y a une erreur, parce que moi, je suis désolée, mais je suis une dame, donc j'ai jamais eu de pénis. Hein. Vous avez demandé une greffe de pénis ? Avant augmentation. Non. Opération validée. Non, bah écoute, madame, moi, j'ai pas besoin d'augmentation de pénis. Je suis une femme, hein, voilà. Attention, cadeau. Nous vous offrons un rajout gratuit. Mais de quel endroit, madame ? Une corne de licorne sur le front. Oh, c'est dommage. Ah ouais, bah oh, c'est dommage. Un zizi, une corne, pour le même prix. Oh. L'appel automatique de Georges, Manu dans le 6-9. Et c'est tous les matins, vous les retrouvez tous en podcast, Manu dans le 6-9.com. 7h21, voici The Prince Karma. Et juste après, on continue avec les signes qui montrent que peut-être, je dis bien peut-être, vous avez un peu trop bu. Ah. Un des signes, ça peut être par exemple vous appelez Paulette. Oh, oh. Trop facile. Bon réveil sur Énergie. This is complete and total bullshit. If I show you my tits, will you let me in? Can you just take another drink with me? Thanks. Later, bitches. Bitches. Bon réveil sur Énergie, il est 7h24. On va écouter Big Flo et Oli. Ça arrive pour vous après les infos de 7h30. Et on continue à donner des signes qui montrent que peut-être on a un peu trop bu. Ouais. J'ai trouvé une liste sur internet. Il y a par exemple quand il manque beaucoup de lettres à nos SMS. Mm-hmm. La même chose mais quand on essaye de parler. Quand on a une grosse envie de danser en étant persuadé d'être doué pour ça. Voilà, c'est les moments où on se dit ah là peut-être que j'aurais pas dû boire ce verre. Ouais. Nico, moi je sais que j'ai trop bu quand je m'endors. L'alcool ça fait ça sur mon corps quoi. Du coup je m'endors hyper vite donc je m'en rends compte hyper vite. C'est Nico, c'est le mec qui a l'alcool le moins festif au monde. Ça me casse quoi. Ça me casse à 21h, moi je peux aller me coucher quoi. Oh, la tristesse. C'est tellement génial. Mais je coûte pas cher en alcool lui. Ah coup. Non. Ah. Et puis quand on veut se débarrasser de toi, on sait comment. Nejma, bonjour. Oui, bonjour Manu, bonjour les Wawa. Hello. Salut. Bienvenue sur Énergie Nejma. Quel est le signe qui peut te faire penser que peut-être t'as bu un verre et qu'il fallait pas celui-là? Alors moi c'est quand je deviens hyper émotive. Hyper émotive. Exactement. Par exemple, à la dernière grosse soirée, donc ma meilleure amie a été cueillir un brin de lilas et je me suis effondrée en larmes. Wow. Ah oui. Alors, je veux dire honnêtement, moi s'il y a une soirée où on m'offre du lilas, je peux m'effondrer en larmes aussi. Hein. Je dis hey, tu connais pas les consoles de jeu, tu connais pas les. Merci de nous avoir appelé Nejma. Un signe qui montre que peut-être vous buvez un peu trop glandu. Moi c'est quand je compte le nombre de personnes qui ont des lunettes. J'aime bien faire ça. Dans la en boîte ou quoi, je compte, je fais les statistiques. Oh. Je compte le nombre de personnes, je fais un petit pourcentage rapide sur le nombre total de personnes. Qui ont des lunettes. Ouais, mais après quand les gens sortent, ils mettent des lentilles souvent. Ah. Ouais, wow. Ouais, les stats sont un peu biaisées. C'est marrant parce que toi, t'es encore plus chiant bourré que pas bourré. C'est rigolo.

Manu dans le 6-9. Dans le 6-9. 6h, 9h30. Sur Énergie. Il est 7h31 et Nico en a gros sur la patate. Il va dans un instant, juste après les infos, faire quelque chose qu'il regrettera peut-être le restant de sa vie. Oh là là. C'est pas faux. Il va balancer sur sa femme. Ouais. Oh. Restez bien avec nous parce que c'est peut-être le moment où tout bascule. Souvent, il y a les résumés de films, c'est comme ça. Ouais. Et là, tout a basculé. C'est ça, on s'en souviendra. Comme dans Capital. Restez là, c'est juste après les infos. On va s'écouter Kaiser Panda, il y aura aussi Big Flo et Oli. Toute l'actu avec Jean-Charles Gaucher. Salut Manu, bonjour à tous. Le temps ce mardi plutôt humide sur la majorité du pays. Des averses un petit peu partout, sauf dans le nord, le Grand Est et l'Occitanie cet après-midi. Ce matin, il pleut en PACA. La météo devrait s'améliorer un petit peu en fin de journée avant une nouvelle bien humide demain. Les températures max pour ce mardi comptaient 11 degrés à Aurillac, 14 au Mans, 16 à Sedan et Marseille. Justement, dans le sud, deux immeubles effondrés, un troisième détruit par précaution. Le centre-ville de Marseille a été frappé par un terrible drame hier matin. 8 personnes, des habitants, sont portées disparues. 2 autres passants pourraient également avoir été piégés sous les décombres. Les secours ont fouillé toute la nuit pour retrouver des survivants, sans succès malheureusement pour l'instant. Le ministre de l'Intérieur, présent sur place dans la soirée, s'est montré pessimiste. Les fortes pluies des derniers jours pourraient être à l'origine de la catastrophe. Le carnet de santé numérique bientôt généralisé, déjà testé dans plusieurs départements. Le gouvernement souhaite donc le généraliser au plus vite. Un espace sur internet sécurisé réservé aux médecins et à leurs patients dans lequel on retrouverait en un seul clic tous les antécédents et les traitements suivis. De quoi simplifier évidemment la tâche du personnel médical et améliorer la prise en charge des malades. Infos et inscriptions chez votre pharmacien ou sur dossier médical partagé dmp.fr. Un peu de foot aussi ce matin, la Ligue des Champions, la 4e journée de la phase de poule, déjà capitale pour le PSG. Défaite interdite pour les Parisiens qui seraient bien inspirés de gagner à Naples ce soir dès 21h. Monaco-Bruges, ce sera juste avant. De la joie, des coups de folie, une pluie de stars, c'est un petit peu tout ça, les Energy Music Awards. Samedi, la cérémonie célébrera sa 20e édition en direct du Palais des Festivals de Cannes. Depuis l'année 2000, l'événement s'est imposé comme l'un des plus grands rendez-vous musicaux européens. Et c'est notamment grâce à des moments assez mémorables. Morgane Barthélémy. Oui, et parfois dès l'arrivée sur le tapis rouge, comme Stromae figé en mode Playmobil en 2013. On repense aussi à Psy, survolté dès la descente de sa décapotable sur Gangnam Style, ou encore à Shy, et son bustier très transparent il y a 4 ans. Sur scène aussi, on se lâche, en 2010, Rihanna avait déclenché une tempête de flammes sur Russian Roulette. L'année suivante, la salle a halluciné devant les hologrammes des Black Eyed Peas avant de chavirer avec le déhanché de Shakira sur Waka Waka. De l'émotion également avec les balades au piano de Coldplay ou les larmes de Charlie Puth et Louane en duo sur Imagine de John Lennon. Les Energy Music Awards, c'est enfin de la bonne humeur avec l'imitation barrée de Beyoncé par Florence Foresti en 2007 ou les délires fourrures et mini-jupes de Fatal Bazooka alias Michael Youn. On retiendra aussi la joie incontrôlable de M. Pokora pour sa 12e récompense, un record jamais égalé. Voilà, des moments à revivre dans un documentaire spécial diffusé sur TF1 juste après la cérémonie samedi. D'ici là, les votes sont ouverts jusqu'à vendredi pour soutenir vos artistes préférés pour cette 20e édition. Bon réveil, bonne journée sur Energy. Vous avez envie de gagner la console de jeu de votre choix? Eh bien, c'est maintenant qu'il faut nous appeler. 0-870-42-48. Nous allons jouer au meilleur jeu radio du monde. C'est le jeu des 5 mots et ça va se passer dans 5 minutes. Ouais, vous nous appelez maintenant, ce sera juste après Big Flo, Oli et Petit Biscuit. Mais avant ça, attention. Nico ouais. Est un homme amoureux. Ouais. Ah oui, ouais. Amoureux au point de s'être marié avec une femme. Ouais, ouais. Au point d'être avec elle depuis 10 ans. Mmh. Et au point de nous saouler toute la journée avec elle. Oh, c'est vrai. Pas vrai, ils sont trop mignons tous les deux. Oui, c'est ce que je dis. Ouais, mais... mais je peux comprendre, effectivement. Mais ce matin, Nico en a gros sur la patate. Ouais. Il va faire quelque chose qu'il va peut-être regretter plus tard. Ouais. Mais c'est lui qui a demandé à le faire. C'est vrai. Ouf. Bah oui. Il faut qu'il vide son sac. C'est vrai. Ouais. Vous savez à quel point, effectivement, j'aime ma femme. Ah ouais. Mais j'ai commencé à écrire une petite liste des choses qu'elle fait. Et qui me broute. Ouais. Clairement, il n'y a pas d'autre mot. Ça me broute. Alors, tu sais quoi, il faut déjà, que je sorte. Utiliser l'expression ça me broute, ouais. Oui, tu as déjà tout mon respect. Voilà. Il faut qu'elle écoute pour que ce soit efficace. Ou sinon, bah non, bah non. Bah, je sais pas. On pourrait l'appeler. Elle dort ? Non. Elle dort. Ouais, elle bosse en plus. On lui enverra. Sinon, on va isoler l'extrait. Je me chargerai de lui envoyer. Bien sûr, évidemment. Ouais. C'est pour ça que les podcasts existent. Alors, Nico a fait une liste de choses qui vraiment, je te cite, hein, ouais, te broutent. C'est vrai. De choses qu'elle fait. Par exemple. On y va. Ouais. Elle coupe le son de la télé dès qu'elle a un coup de fil. On est en train de la regarder, elle a un coup de fil, elle coupe. Ah, c'est relou. Ça, ah, c'est pas bien. Ça me broute, ça. Mais je suis d'accord avec toi. Si elle a un coup de fil, si elle veut vraiment décrocher, elle s'en va. Bah oui. Elle coupe pas le son de la télé, c'est égoïste. Ouais. Elle est pas toute seule, hein, dans la pièce. On est d'accord. Ça me broute. Deuxième chose qui me broute, elle ne mange pas les trottoirs des pizzas. Et ça, c'est un manque de respect, ça. Ça se fait pas, ça. Quand on est dans un resto italien, j'ai honte. Ah. J'ai honte. Elle laisse ça, c'est pas bien. La pizza, elle est faite pour qu'on la mange. J'ai une question. Ouais. Ça te broute ? Oh, ça me broute. Ah, ça en fait plus pour toi, cela dit. Non, moi, je les mange. Non, je les mange pas forcément, parce que je suis pas une poubelle non plus. Allez manger au japonais ? Moi, je veux qu'ils restent ensemble. Il a pas dit qu'il voulait se séparer. Mais oui, il est amoureux, Paulette. Oui, j'ai dit que je l'aimais, j'adore ma femme. Mais il y a des choses qu'elle fait qui me broutent. Okay. Encore dans la liste, je continue la liste. Elle utilise ma serviette pour se sécher les cheveux. Ah, mais ça. Avec la mienne est mouillée. Non, alors ça me broute. Ça c'est pas bien. Non, mais c'est. Attends, à partir du moment où on a chacun sa serviette, pourquoi elle utilise la tienne ? On est d'accord. Et c'est parce qu'il nous faut une serviette pour notre corps et une pour nos cheveux. Mais prends ta serviette pour les cheveux. Mais j'oublie tout le temps d'aller la chercher. Mais non. Mais l'amour, c'est aussi partager cette petite serviette. Non. L'amour, c'est de prendre sa serviette pour ne pas faire de peine à l'autre. Ouais. L'amour de l'un s'arrête ou la serviette arrête de l'autre de le brouter. C'est ça. Et un dernier truc aussi là, qui me broute, mais la liste n'est pas finie. Hein. Je vais la continuer. Je reviens. Un dernier truc qui me broute aussi, c'est quand on est au resto, elle met 1000 ans à choisir un plat et quand le plat arrive, de toute manière, elle est jamais contente. Elle le regrette en plus. Ça c'est chiant, quoi. Le mec, il est là, putain, il nous a laissé un quart d'heure. On lui a déjà dit revenez dans 5 minutes. Avec la fameuse phrase de ah, j'aurais dû prendre le tien. Mais oui. Et du coup, elle pique dans mon plat. Mais oui, et ça me broute. Bien sûr, ça me broute. Mais oui. Vous savez quoi ? J'ai envie qu'on fasse tous une liste de ça me broute. Okay. Alors, ça peut marcher avec son mec, avec sa nana, pour l'équipe qui est en train de se disloquer, pour nos ex. Okay, on va faire avec nos ex. Okay. Faites votre liste qu'on appellera la liste ça vraiment ça me broute. Merci. Okay. Vous pouvez nous rejoindre 0 870 42 48. On va ouvrir ce nouveau moment dans l'émission. Le moment ça me broute. Allez, c'est parti, ça va nous faire du bien à toutes. Ça t'a fait du bien, Nico ? Ah ouais, mais ça me broute. Dans 3 minutes, on joue au jeu des 5 mots. Juste après Big Flo, Oli et Petit Biscuit. Bon réveil sur Énergie. Big Flo et Oli, tu connais, non ? Petit Biscuit. Tout le monde me dit, tu sais, pour ton avenir on a peur. On voudrait que tu sois un médecin, toi, tu veux être un rappeur. Ma meuf m'a dit, tu m'aimes pas assez, on dirait que tu t'es lassé. Qu'est-ce qui s'est passé ? T'as plus le même regard quand t'as fini de m'embrasser. Je m'endors avec mes coudes, blues, plus personne ne croit au coup de foudre. La voisine est venue me voir pour me dire qu'elle en avait marre de mes... Engueulade avec ma mère, à chaque fois c'est pareil quand je m'énerve. Je tape dans la porte et je casse mes affaires, puis je m'endors et quand je me réveille je regrette. Tout le monde me parle, tout le monde croit savoir ce que je dois faire de ma vie, ce qu'il y a dans ma tête. Mais j'écoute que moi et je me répète que c'est pas grave. Ce soir tu danses, la nuit porte conseil. Faut pas que t'y penses. Ne pense plus à rien, rien, rien, rien. Ça y est. Ça y est. Ça y est. Fille m'a dit, t'es comme les autres en fait. Tu m'apportes que des problèmes, allez sors de ma vie. De façon je le pensais pas, quand je te disais je t'aime. On nous répète qu'avant c'était mieux. On croit en l'amour qu'une semaine sur deux. Le temps passe vite, on est des jeunes vieux. Hier un petit m'a appelé monsieur. Par la fenêtre, j'atteins un signe. Je pense à mon avenir qui doucement se dessine. En attendant je me remets ce vieux son de Biggie. Celui qui fait It was all a dream. Un seul sourire et mille pleurs. On attend la surprise comme les Kinder. Pour éviter de dire, les enfants, j'ai rencontré maman sur Tinder. Toutes les questions sans réponse se baladent dans ma tête. La main sur le cœur, des fois j'ai trop peur qu'ils s'arrêtent. Mais j'écoute que moi et je me répète que c'est pas grave. ce soir tu danses. La nuit porte conseil. Faut pas que tu penses. Ne pense plus à rien, rien, rien, rien. Bienvenue sur Énergie, 7h41. Kaiser Panda, j'adore. Ouais. Je comprends pas les paroles, mais j'adore. Ça se trouve, ils nous insultent, hein, mais on est là, on est content. Ça arrive pour vous dans 3 minutes. On va jouer au jeu des 5 mots juste avant. Vous êtes peut-être au courant de ça, ou peut-être que vous en avez profité. Il y a eu un bug sur l'application de Micromania. Micromania, ce sont des magasins de jeux vidéo, de consoles. Ouais. Il était sur leur application possible d'acheter une PS4 ou une Nintendo Switch pour 49 euros. Mais non. Eh oui. Bah alors. Et alors, le problème, c'est que le bug a mis 2 jours à être réparé et des gens ont passé commande pendant ce temps-là et les consoles ont été expédiées. Ils ont eu leur console pour 49 euros. C'est ouf. Ah ouais. Et ça coûte combien en vrai? C'est au moins 500 euros. Mais oui. Mais moi, je suis pas du tout courant. Hein. Ah okay. Bah, je te le dis. Mais c'est ouf. Oui, c'est ouf, ouais. Mais on est toujours au courant après de ces plans-là. Là. Ah ouais. Oui, mais Virginie, elle s'en fout. Virginie, bonjour. Bonjour Manu, bonjour les ouin-ouin. Parce que Virginie, ta console de jeux vidéo, tu vas pouvoir la gagner maintenant. Ah oui. Attention, nous allons jouer ensemble au jeu des 5 mots. Virginie, quelle est la console de tes rêves? La PS4 Pro. On est très précis. La PS4 Pro, c'est la dernière de chez PlayStation. Elle est pour toi dans un instant, Virginie. Si tu gagnes au jeu des 5 mots. Et pour te faire gagner au jeu des 5 mots, tu vas jouer avec Glandu. Allez, c'est parti. C'est parti. Allez, Glandu. Les règles, elles sont simples. Glandu sort du studio. Attention, il est dehors, il est dans le couloir, il n'entend plus ce qui se passe. Je vais te donner 5 mots, Virginie. Après chaque mot, tu me donnes le premier qui te vient à l'esprit. Ensuite, je fais revenir Glandu. Je fais exactement pareil avec lui. Et dès que vous avez un mot en commun, c'est gagné. À toi la PS4 Pro. D'accord. Virginie, tu es prête? Je suis prête. C'est parti. Je me sens un peu comme dans le Ninja Warrior. On joue au jeu les 5 mots. Stock. Produit. Mousse. Bain. Porte. Serrure. Médecin. Docteur. Fil. Aiguille. Mais on est tout à fait correct. Ouais. Il y a de la logique dans tout ça. Allez. Attention. On fait revenir Glandu. Aura-t-il la même logique que toi? Ah, il y a une logique particulière, ça veut dire. Pas particulière, une logique. Je décèle tous les indices que tu sèmes sur ma route. Hey, inspecteur Glandu. Ouais, je suis là. Bon, on va jouer maintenant. Vas-y, ok. C'est parti, un mot en commun et la PS4 Pro, elle est pour Virginie, on joue au jeu des 5 mots. Stock. Marchandise. Virginie avait dit produit. Ah là, on n'est pas loin, c'est un synonyme. Mousse. Rasé. Ben. Virginie avait dit bain, ouais. Oh là là, c'est les deux options possibles. Il y en avait 3-4 autres quand même. Non, de... non, d'accord, non, ok. Non. Il reste 3 mots. Allez. Porte. Fenêtre. Oh. Mais Virginie avait dit serrure. Ah ouais. Deux mots. Allez. Médecin. Consultation. Glandu. Nico. Ne juge pas le gros nulot. Ne juge pas. Sur le feu. Virginie avait dit docteur. Oh là là. Un mot. Vas-y. Virginie, pour encourager Glandu. Oui, allez Glandu, allez. Ouais, dis-toi que c'est simple. Ok. Allez. Simple. Le plus simple possible. Simple, basique. Okay. Il reste un mot. Vas-y. Fil. Cou. Non. Oh l'échec. Coup de fil. Fil, coup de fil. Coup de fil. Oui, évidemment. Si j'avais dit coup, t'aurais pu dire fil. Mais là, c'était l'inverse. Ouais, Elle avait dit aiguille. Ah ouais. J'avais c'est pas. Je suis pas couture. C'est pas grave. C'est pas grave. Ça se voit que c'est pas toi qui bosse avec lui tous les jours. Hein. Non. Virginie, je suis désolé. C'est pas grave. La prochaine fois. C'est pas grave. Glandu, allez. C'est moi qui aurais dû dire mousse à raser. J'ai failli et. Moi j'ai rêvé d'un. Non, c'est moi, c'est moi. Oh. Non, Virginie, on l'a dit tout à l'heure, 500 euros du coup la PS4. Voilà, finalement. Oh. Ah non. Virginie, tu nous rappelles quand tu veux. On est désolé. Vous êtes gentil, pas de soucis. Non, mais on bisous. On sait, on est obligé tout. À un moment, un jour dans la semaine, on est 5. Il y a un jour, ça va être tendu. On est. Ça va. Voilà, c'est tombé sur toi. Virginie, on t'embrasse fort. Belle journée à toi. Gros bisous, merci. Ciao. 7h46, le jeu des 5 mots revient demain, évidemment, à la même heure. Kaiser Panda, tout de suite sur Énergie. Et juste après, on fait nos listes. Sam Brout. Avec nos mecs, nos nanas, nos copines, nos maris, nos femmes, voire nos ex, notre liste des choses qui nous elle fait ou faisait et qui nous broutent. 7h46, bienvenue sur Énergie. Fiesta ti te llama, suéltate el pelo y salta de la cama. Estamos ready, la noche muy larga, así que vamos a quitarnos toda la gana. Si tú estás bien, habla portugués, conmigo mujer y si no pues tú dos ven. Esta noche yo voy a hacerme con el parque, de noche me floco como Yandel. Quiere vacilar con tus amigas en el barrio. Guaraná, rumba y tequila. Déjate de tres mamacita. Todo el mundo quiere, toda la mami no quiere. Sé que prefiere, mami, tu huevo no miente. La gente me. Sur Énergie, 7h49, nous sommes pour la paix dans les couples, oui. Mais il y a une petite vingtaine de minutes, Nico a osé faire sa liste Sam Brout. Ouais. Il est avec sa nana, ça fait 10 ans que ça dure, ils sont mariés depuis 3 ans maintenant ? 2 ans. Ah ouais, ouais. Ah, c'est ouais, seulement. Ah ouais. Ouais. Ça me rassure que c'est plus longtemps. Ils s'aiment, c'est l'amour fou, ouais. Mais... elle fait des choses qui le broutent, il nous en a parlé tout à l'heure. Il y avait par exemple qu'elle utilise sa serviette pour se sécher les cheveux. Ça le broute. Ah ouais. Elle met 1000 ans à choisir son plat au resto et elle regrette à chaque fois son choix et elle lui pique dans son assiette. Ça le broute. Ouais. On s'est dit, mais on va faire aussi notre liste des choses qui nous broutent. Alors ça peut marcher sur les ex, si, puisque nous on est quand même 3 à avoir des ex, hein, du coup dans l'équipe. Ouais. 0870 42 48. Vous y allez aussi. On a Audrey qui est là. Bonjour Audrey. Salut Manu, salut les ouin-ouin. Salut. On écoute ta liste. Ça me broute. Bah moi ça me broute qu'il laisse toujours ses poils de barbe dans le lavabo. Franchement c'est dégoûtant. Ouais je comprends. Je comprends mais c'est vrai quand on se rase c'est hyper compliqué d'enlever tous les poils. Ah bon? Mais oui parce que. Bah ouais mais quand toi tu passes derrière pour te brosser les dents et qu'il y en a dans le gobelet où tu te rinces, c'est pas top. Ah oui bah ouais, après s'il met les poils dans le gobelet là j'y peux rien. Ouais. Qu'est-ce qui te broute encore? Bah il est tout le temps fourré sur les jeux sur son téléphone, plusieurs heures par jour. Même au boulot, quoi, donc. Ah ouais. Ah oui. Ouais. Effectivement. Ouais. C'est quoi son boulot? Il est chirurgien. Et là, comme par hasard, il s'est fait retirer sa licence de médecine. Merci André de nous avoir appelé. Votre liste, ça me broute. Elle est glandue. Moi, elle voulait toujours que je chauffe son côté du lit. Et après, elle me faisait rouler vers le côté froid. Voir le côté chaud. Ouais, ça me broutait ça. Attends, il y avait un autre truc qui me broutait, c'est qu'elle fermait à clé et elle laissait la clé sur la porte, cette cruche. À l'intérieur du dos. Oui. Mais oui. du coup j'étais obligé de tambouriner quoi, Ouais. Viens m'ouvrir. Mais c'est vrai que c'est bizarre, tu fermes de l'intérieur et tu laisses les clés sur la porte, on peut plus rentrer. Ouais, du coup je pouvais plus rentrer chez moi. Mais peut-être qu'il y avait un signe déjà avant. Mais ce qui est bien parce que là elle a toujours les clés, je te l'annonce. Elle est toujours bien sur la porte, je peux plus rentrer. Votre liste, ça me broute. Bah, Isabelle, qui est en couple aussi, alors elle, depuis maintenant 150 ans, elle a créé le mot couple. Elle a créé le mot couple. Alors il y a quand même des choses chez ton mec qui te broutent. Bah quand même, oui, bien sûr, au bout de quelques années, ça fait plus de 20 ans, donc voilà. Quand on mange la galette des rois, ça me broute. À chaque fois, il fait comme s'il avait la fève. Mais à chaque bouchée, il fait Tu l'as. Ah, c'est rigolo ça. Ah, j'aime bien. En fait, il l'a pas. Ah, t'aimes bien ça, tu rires ça. Ouais, je fais moi aussi. Oh, purée, c'est pas vrai. Et tu fais, moi je garde la fève dans la bouche ou je la cache et je dis bah il y avait pas de fève dans la galette. C'est assez drôle aussi. Ouais, ça j'aime bien aussi. Ou alors si jamais t'as un autre petit truc dans ta poche, n'importe quoi, tu le mets dedans et tu fais croire que tu l'as et tu sors un truc de la bouche. Donc les gens croient que t'as la fève. Mais en fait, non, c'est moi qui l'avais mis dedans. Vous savez quel âge, les gars, là? C'est drôle. Je sais pas. Autre chose qui te broute, Isabelle? Ça me broute quand il attend toujours le dernier moment pour faire le plein d'essence. On est sur l'autoroute, tu vois, il reste plus grand chose. Je fais, mais non, mais ça tient. On passe devant le truc, il prend pas d'essence. Ça me rend malade. Oui, mais est-ce qu'il est tombé en panne? Bah, genre, non, jamais. Bon, bah alors. Voilà. Ça me broute quand même. Ah, d'accord. Geoffrey, bonjour. Salut Manu, salut les mamans. Tu es en couple, Geoffrey? Eh oui. Okay, et ça te broute donc. La première chose qui me brûle, c'est genre au ciné, elle enlève ses baskets, elle se met à l'aise, mais genre comme si on était à la maison. Mais alors ça, je comprends ce truc là, mais moi c'est pas en voiture. Elle le faisait, mon ex, elle mettait les pieds nus sur le tableau de bord. Dingue. Ouais. Ah mais je peux pas. J'y ai droit aussi moi ça. Oh là là, Geoffrey, mais viens, on part en vacances ensemble tous les deux quoi. On part en vacances en chaussures. Merde. Qu'est-ce qui te broute encore, Geoffrey? Et quand on a cherché son appart ensemble, il fallait un critère, c'était une chambre pour son chat. Et ça a bien compliqué les recherches. Mais quand je vous dis que les chats petit à petit nous prennent la place, c'est mais ouf, évidemment ça te broute. Évidemment, Geoffrey. Courage à toi, on est avec toi, t'inquiète pas. Merci, je t'en prie, ne lâche rien. 7h53, on continue un petit peu. Qu'est-ce qui vous broute sur ton exploit? Ah ouais, moi il y avait des trucs qui me broutaient, genre il notait mes blagues entre 1 et 10 à chaque fois que je faisais une blague. Et j'avais généralement pas plus de 3. Hein. Oh bah, honnêtement, je trouve qu'il note cool. Autre chose? Oui, passer des après-midi à regarder des vidéos de gens qui tombent. Oh, bah ça va. Il se marrait, hein, vraiment, il se fendait la poire. Vraiment. Il n'était pas débordé de taf, lui. Il n'était pas débordé, du coup, il passait pas ses après-midi avec moi. D'accord. Je peux faire ma petite liste, ça me broute? Oui. C'est long. Ouais, mais là, on finit dans 1h30 l'émission, j'aurais pas le temps de. Ah, mais non. Non. Quand on regardait une série, mais ça, je vous l'ai raconté déjà 1000 fois, on regardait une série systématiquement, au moins 3 fois pendant la série. Elle disait, mes pauses. Lui, il joue dans une autre série, je l'ai vu dans Grey's Anatomy. Et elle partait sur son téléphone en train de regarder. Donc, au bout d'un moment, moi, je remettais la série en marche. Au bout de 2 minutes, elle avait trouvé son truc. Elle me disait, vas-y, c'est passé quoi? Putain, et donc je vais remettre pause et lui expliquer la série. Putain! C'est insupportable. Oui, mais en même temps, c'est quelqu'un de cultivé qui est cinéphile, qui est curieux, qui a envie de savoir des choses. Non, elle était juste tarée, elle voulait savoir si Bradley Gunbrum, il jouait aussi dans la série numéro 4 de Grey's Anatomy. Ça m'a brouté. Autre chose, systématiquement, elle ne savait pas se servir de l'imprimante. Systématiquement. Tu peux réparer l'imprimante, et j'arrivais, et 4 fois sur 5, qu'est-ce qui se passait? Elle a pas mis la prise. Mais non. Mais ouais, quoi. Elle exagère. Dur. Mais attends, si j'avais laissé faire, dans la maison, il y avait 12 imprimantes qu'elle rachetait en fait. Parce que l'imprimante est cassée. Ouais. Non, l'imprimante se branche. Qu'est-ce qu'il y avait encore? Ah putain, les commandes sur internet. Les commandes sur internet, si je la laissais commander sur internet, elle ne sait pas appuyer une fois sur le bouton plus ou moins. Donc elle appuyait 10 fois. J'ai chez moi, voilà, s'il y a une guerre atomique, sachez que j'ai chez moi un stock de ratatouille en boîte pour 12 familles.

Il faut qu'on arrête. Non, c'est ce qui se passe. Ouais, non, c'est bien. C'est bon, c'est bon. Non, l'étude est vraie. L'étude est vraie, ça marche. Allez, 8h05, on double votre salaire. Manu dans le 6-9. Tous les matins sur Énergie, Manu double votre salaire. Cindy habite Cadojac, c'est en Gironde. Elle a 32 ans et elle touche chaque mois 1920 euros. Cindy s'est inscrite sur manudansle69.com et elle a eu raison. C'est parti, on t'appelle maintenant pour te doubler ton salaire. Juste avant de s'écouter Calvin Harris, nous allons faire de toi une femme heureuse, Cindy. C'est parti. Attention, décroche ce téléphone. Allô ? Allô, Cindy ? Oui ? Cindy de Cadojac, en Gironde ? Oui ? Cindy, quel est le seul animateur radio qui double ton salaire ? C'est la victoire ! Je crois que c'est ça. Ah ouais ! Oh, Cindy ! Ouais ! Cindy ! Non, c'est Manu ! Bah oui, c'est Manu ! Bonjour ! Et toi, c'est Cindy ? Oui, eh ben, écoute, nous étions faits pour nous rencontrer ce mardi 6 novembre 2018, Cindy. Je vais te doubler ton salaire. 1920 euros, ça va faire pour toi 3840 euros, Cindy. Oh, merci, mais merci beaucoup, merci. La journée commence très bien. Écoute, là, c'est compliqué de faire mieux. Cindy, merci. Tu es professeur d'espagnol. Oui, tout à fait. Au collège, au lycée ? Au lycée. Au lycée. Ouais. Oh. J'ai pas fait espagnol. Alors, j'ai regretté. J'ai fait allemand en deuxième langue parce que mon grand frère a fait espagnol. Mmh. Et par esprit de contradiction, j'ai fait allemand. Ouh là là. C'est pas grave, son mandat d'État. Hein. Non, mais je veux dire, honnêtement, c'est peut-être une des plus grosses erreurs de ma scolarité. Hein. Ah ouais. Ah ben parce qu'au début, ça te fait rigoler, t'apprends un mot, deux mots, et après, la langue est tellement compliquée. Ouais, et tu te tapes des 4, des 5, des 6, t'en peux plus. Non, mais vraiment. Il y a plein de déclinaisons quand même. Comment, Cindy ? C'est pas très joli en plus, non ? Oh. L'allemand, ah si, c'est vraiment une des plus belles langues qui existent, avec le norvégien. C'est vraiment, c'est vrai que l'espagnol, c'est plus chantant, quoi. Ouais, c'est ouais, plus... Ouais. Après l'espagnol, voilà. Il y a un truc que j'ai jamais compris en espagnol, c'est pas en espagnol où il y a le point d'interrogation à l'envers ? Exactement, au début à l'envers et à la fin à l'endroit, et les points d'exclamation pareil, à l'envers et à la fin de la phrase. Pourquoi ? À l'endroit. C'est parce qu'au début de la phrase, tu peux poser une question, mais à la fin, tu sais plus si c'est une question, c'est quoi le. Voilà, non, mais c'est bien pour délimiter en fait la question. La question ou l'exclamation. D'accord, des fois qu'on soit con, en fait. D'accord. Il y a plein d'élèves qui n'arrivent pas à rouler les R, Cindy. T'as pas un truc à nous donner pour y arriver ? Alors en fait, il faut mettre la langue au-dessus du palais et fermer la bouche. Mais j'avoue que... Excuse-moi, je coupe Cindy parce que ça me rappelle mes cours. C'est pas évident. Hein. Je suis désolé, non, Cindy. C'est pas évident. Ça me rappelle des souvenirs de... parce qu'en allemand aussi, c'était pareil, la route ou une gluck. Oh non, la... Cindy, écoute, restons bons amis, je te double ton salaire et tu me respectes. Merci tu me donnes pas beaucoup. De cours. Bravo non, à toi. Non, 3840 euros, ça arrive très vite pour toi. Oh là là là, merci. Je vous souhaite vraiment une bonne journée. Continuez comme ça. Merci beaucoup. Je t'en prie. Comment on dit ? Muchas gracias, c'est ça ? Muchísimas gracias. Ah. Ah, bah, j'aurais eu deux au bac en espagnol aussi, donc ça aurait pas changé ma note. Gros bisous, Cindy. 8h09, ça peut vous arriver, vous aussi. Il suffit de vous inscrire. Vous allez sur énergie.fr ou manudansle69.com ou sur l'application manudansle69. Et tous les matins, 7h05 et 8h05, on double votre salaire. Dans 3 minutes, juste après Calvin Harris, c'est les concours du jour. Are you drunk or not? Gonna judge what I'm doing. Are you high enough to excuse that I'm ruined? 'Cause I'm ruined. Is it late enough for you to come and stay over? 'Cause we're free to love, so tease me. Ooh. I made no promises, I can't do golden rings, but I'll give you everything. Magic is in the air, there ain't no science here, so don't get your everything. Tonight. I made no promises, I can't do golden rings, but I'll give you everything. Tonight. Magic is in the air. give you everything. Tonight. Magic is in the air. There ain't no science here, so come get your everything. Tonight. I made no promises. I can't do golden rings, but I'll give you everything. Tonight. Magic is in the air. There ain't no science here, so come get your everything. I can't do golden rings, but I'll give you everything. Tonight. Magic is in the air. There ain't no science here, so come get your everything. Tonight. I made no promises. I can't do golden rings, but I'll give you everything. Bienvenue sur Énergie, il est 8h12, on va écouter Aya Nakamura dans 3 minutes avec Ça arrive pour vous juste avant ça, voici comme chaque matin. Des gens improbables qui font des choses improbables, ça s'appelle les concours du jour. Ouais. Tour du monde aujourd'hui, nous démarrons en Espagne. Un homme monte dans un bus et braque les passagers à visage découvert. Il commence à braquer les passagers et au milieu du bus, il s'arrête net. Ah ouais ? Et il regarde une personne en face de lui et son visage se décompose. Ah ! Parce que la personne en face de lui, c'est sa mère. Oh, oh là non, là non. Oh maman. Wow. Et le mec se dit merde. Ah bah oui. Ah bah. Ma mère est là, je suis en train de braquer le bus. Ouais, faut pas décevoir maman quoi. Ah bah là, ah c'est plus à décevoir là. C'est, ça l'a rendue furieuse la maman. Ah ouais. Elle a immédiatement hurlé le prénom et le nom de son fils pour que tous les passagers le dénoncent. Oh. Et la police est effectivement venue le chercher. Et elle a pas fini par un. Et tu vas ranger ta chambre. Non, mais il a pas eu le temps en fait. Donc. Aux États-Unis, un homme est arrêté ivre et avec une bouteille de whisky entamée sur son siège passager parce que oui, il est au volant. Il se fait arrêter. Les policiers donc sont là, le contrôle. Ils voient qu'il est légèrement alcoolisé et il dit. Ah non, mais attendez, je ne suis pas un inconscient, rassurez-vous. Je ne bois qu'au feu rouge et quand je suis à l'arrêt. Pas quand je conduis. Mais non. Alors son permis lui a été retiré, il a pris une énorme amende. Ah ouais. Parce que je vous le rappelle, bien sûr, c'est connu, l'alcool ne fait effet qu'au feu rouge. Et une fois que le feu est passé au vert, on redevient sobre, évidemment. Oh là là. D'ailleurs, je vous rappelle le slogan, Sam, c'est celui qui ne boit qu'au feu rouge. Oh non, évidemment. Il faut tout reprendre là. Aux États-Unis, écoutez cette histoire improbable. Un bagagiste risque une sanction pour s'être endormi dans la soute d'un avion. Oh, quoi ? Ben, en fait, les passagers prennent l'avion et donc les bagagistes mettent les bagages dans la soute. Ouais. Il est là, il le fait assez vite et du coup il se dit « Oh, j'ai le temps de faire une sieste ». Ouais. Le mec s'endort entre les bagages, il va se réveiller 800 km plus loin quand l'avion a atterri. Oh, mais non. Il a dormi pendant tout le trajet dans la soute. Voilà. Le sommeil de plomb, quoi. Ah, mais c'est un imperturbable. Ouais. On a trouvé pire que Paulette et ses siestes. C'est improbable. C'est où ? Hey, 8h14. Dites-vous qu'il y a toujours pire que vous dans le monde. On revient tout de suite. On va écouter Aya Nakamura. Bon réveil sur Énergie, c'est Manu dans le 6-9. A tout de suite. Manu dans le 6-9 sur Énergie. Manu. Et les ouah ouah ouah. Energy. I do it so no. Music only. All I need is one. One more man is enough. But if you got it all, just turn your fears into trust. To trust. Words of love. When all is in it. Hang up with your hands in the air. I'm a go for your stuff. Saying those words like you hate me. where did love go when all is said and done? Where did love go? You put the running into asking me to stay when I never met a man I could trust. Hey! Et comme 3,5 millions de personnes, j'écoute Manu dans le 6-9 sur Énergie. Qui a attiré votre attention ces dernières 24 heures? 0-870-42-48, vous pouvez nous appeler. Ça peut être une personne, ça peut être un animal, ça peut être un objet. Qui a attiré votre attention depuis hier? 0-870-42-48, vous nous appelez. Qu'est-ce qu'il y a, Paulette? Mais non, mais cet air mystérieux que, ouais, que tu mets là. Tu nous tiens, quoi. Je t'écoute pas. Ah, ok. Elle a papi, mais qui passe ça? J'entends des bails à trois sur moi. À ce qui paraît, je te cours après. Mais ça va pas, mais t'es taré. Mais comment ça? Le monde est hyper. Tu croyais quoi? Qu'on se verrait plus jamais. Je pourrais t'afficher, mais c'est pas mon délire. D'après les rumeurs, tu m'as eu dans ton lit. Oh, dja, dja. Y'a pas moyen. Pas ta cata, dja dja, genre en katana, baby, tu dettes ça. Oh, dja dja, y'a pas moyen, dja dja. J'suis pas ta cata, dja dja, genre en katana, baby, tu dettes ça. Tu penses à moi, j'pense à faire de l'argent. J'suis pas ta daronne, j'te fais pas la morale. Tu parles sur moi, y'a air, crache encore, y'a air. Tu voulais m'avoir, tu savais pas comment faire. Tu jouais un rôle, tu finiras aux enfers. Le jour où on se croise, faut pas tout faire. Tu jouais le grand frère pour me salir. Tu cherches des problèmes sans faire exprès. Putain, mais tu déconnes. C'est pas comme ça qu'on fait les choses. Putain, mais tu déconnes. C'est pas comme ça qu'on fait les choses. Oh, dja dja. Y'a pas moyen, dja dja. J'suis pas ta cata, dja dja. Genre, en katana, baby, tu dettes ça. Pas moyen, dja dja. J'suis pas ta cata, dja dja. Genre, en katana, baby, tu dettes ça. Oh, dja dja. J'suis pas ta cata, dja dja, non. Y'a pas moyen, dja dja, ouais. En katana, baby, tu dettes ça. Oh, dja dja. J'suis pas ta cata, dja dja, non. Y'a pas moyen, dja dja, ouais. En katana, baby, tu dettes ça. D'après toi, en katana, baby, tu dettes ça. En katana, baby, en katana, baby, tu dettes ça. En katana, baby, oh, dja dja. Oh, dja dja. Oh, dja dja. Bon réveil sur Énergie, les 8h20. Qui a attiré votre attention ces dernières 24 heures? 0-870-42-48, vous pouvez nous appeler avant de s'écouter DJ Snake. Vous avez vu quelqu'un, vous avez croisé quelqu'un d'étrange, de bizarre? 0-870-42-48, vous pouvez y aller, je peux commencer. Ouais. Vas-y. J'étais sur un parking d'une station-service sur l'autoroute. Ouais. Mmh. Je me gare et quelqu'un avec la même voiture que moi se gare à côté. Ouais. Ah. On sort en même temps. Oh. Moi, je dis juste, oh, bah, c'est rigolo. Hein. Il me dit, oui, absolument. Elle date de quand? Moi, je, bah là, dernier modèle, là, j'ai depuis pas longtemps. Et, ouais. Et vous, depuis 2011, il commence à me parler de sa voiture et de l'essence et de tout. Oulala. Je n'arrivais plus à m'en Non, mais il fait. Vous savez que je mets du bioéthanol dedans. Et voilà. J'ai acheté un petit coffret. Et en fait, le mec était un dingue enfin, un taré, en fait, hein, de voiture. Il m'a parlé. Et donc, il me parlait par là. Et à un moment, quand même, il arrive juste au truc où il me dit. Parce que moi je l'allustre à la. Il me sort un truc qui n'existe pas, hein, je sais pas quoi. Il dit, bah, c'est pour ça, regardez. Moi 2011, vous 2016, elle brille plus. Ah ouais? Oh non! Et là, je vais aller chercher quelque chose à la boutique. Oh là là! Oh l'horreur! Je n'en pouvais plus. Ouais. C'est bon. Qui a attiré votre attention ces dernières 24 heures? Isabelle. Une fille dans le bus qui était au téléphone mais avec son mec, mais elle était sur haut-parleur. Je pense qu'elle s'en était pas rendu compte et c'était hyper chaud. Elle s'en était pas rendu compte qu'elle était sur haut-parleur. Je crois pas. Écoute, elle est sourde alors. Elle était tellement dans son truc, elle parlait et en plus c'était hyper chaud. Et j'ai entendu que lui disait ouais, quand t'arrives, je te fais la totale. Donc moi j'étais pétée de rire et en fait elle aussi, elle rigolait. Wow. Mais c'était surréaliste. Mais c'est pas possible qu'elle s'en aperçoive pas. Ouais. Je sais pas, Manu. Si, elle l'a sur l'oreille, tu sais, elle l'a sur l'oreille, elle a appuyé sur haut-parleur et tu t'en rends pas compte. Mais nous, on entendait tout. C'était hyper gênant. Maintenant, c'était très drôle. C'est marrant parce que tu vois, comme quoi, hein, le bus, c'est quand même plus sympa que la bagnole. Hein. C'est pas la même conversation. Non, c'est vrai. Delphine, bonjour. Salut Manu, salut toute l'équipe. Bienvenue sur Énergie, Delphine. Qui a attiré ton attention ces dernières 24 heures? Ben hier dans la rue, je marchais et il y avait une dame à peu près d'une cinquantaine d'années qui était habillée a priori normalement, sauf que en haut, il y avait la moitié de son sein qui sortait. Oh. Hein? Oh. C'est très bizarre, ouais. Mais ouais, qui sortait Qui sortait le bout du téton. Hein, tu vois, elle avait une espèce de brassière avec une veste, sauf que un truc hyper moulant et ça sortait. Quoi. Et ça sortait. Surpris, tu vois, la marche est aussi mieux que la voiture, apparemment. Ouais, c'est ça. J'ai l'impression de ne pas habiter au bon endroit, moi. Bah, c'est ça, très bizarre. Merci de nous avoir appelé, Delphine. Qui a attiré votre attention ces dernières 24 heures, Glandu? Moi, au cinéma, j'ai vu un mec qui comptait les grains de pop-corn dans son cornet. Ouais, c'était les pubs, il comptait. Et à la fin, il a dit J'en étais sûr. je sais pas. Peut-être qu'il y a eu le sentiment de se faire arnaquer, sais rien. Alors, tu vois, du coup, je suis pas mécontent, moi, avec mon mec de la bagnole. Anne, bonjour. Coucou Manu, coucou tout le monde. Coucou à toi. Bonjour et bienvenue parmi nous, Anne. Qui t'a surpris ces dernières 24 heures? Eh ben moi, j'ai vu un mec dans Apple Store pleurer après avoir acheté le dernier iPhone. Ah oui, mais ça c'est normal. Bah, tu veux avoir ton iPhone, tu l'achètes, tu regardes le prix, tu pleures. Et puis tu peux alors une deuxième fois quand tu sais qu'ensuite il faut acheter le chargeur. Bah, qui coûte le même prix. C'est le principe. Merci de nous avoir appelé, Anne. Belle journée à toi. Bisous. Gros bisous, ciao. On vient tout de suite. On va écouter DJ Stack. C'est juste après les infos de 8h30. Bienvenue sur Énergie, c'est Manu dans le 6-9, à tout de suite. Manu dans le 6-9. Il répondait au nom de Manu, de 6h à 9h tous les matins. 6h, 9h30, tous les matins sur Énergie. Vous avez défendu vos stars Énergie préférées. Vous avez voté pour elles pendant plus d'un mois. Elles seront à Cannes, samedi soir, pour les Énergie Music Awards. Les Energy Music Awards avec Laser Game Evolution, créateur français du jeu 100% Laser. Laser Game, c'est nous. Samedi soir à 21h en direct sur TF1 et Energy. It's music only. Avec le mois Carrefour Market, c'est le best of des promos. Pour mes invités, j'ai prévu des petits canapés, des crevettes, mais je sens qu'il me manque quelque chose. Il vous manque une bouteille de champagne, Michel. Mais oui, tiens. En plus, pendant le mois Carrefour Market, c'est le best-of des promos et jusqu'au 11 novembre, il y a 70% d'économies sur votre carte fidélité sur le champagne Vranken Brut Premier Cru. Champagne Premier Cru, 70% d'économies. Vous savez comment me parlez, vous. Carrefour Market. La bouteille de 75 centilitres, voire modalité sur carrefour.fr. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Sur Énergie, découvrez les services d'EDF Entreprises qui simplifient l'activité des pros. Saviez-vous qu'avec les contrats garantis électricité et gaz naturel, EDF Entreprises vous assure des prix fixes jusqu'à 3 ans. Cela vous permet de mieux gérer votre budget et de vous concentrer sur votre activité. Parce que la vie de professionnel est assez compliquée comme ça. Contactez-nous au 3022, service et appel gratuit. Offre de marché réservée aux clients professionnels souscrivant une puissance inférieure ou égale à 36 kV-ampères pour l'électricité ou consommant moins de 300 MWh par an de gaz naturel. Voir caractéristiques et prix sur edf.fr/entreprise. L'énergie est notre avenir, économisons-la.

Marseille, justement, où un premier corps a été retrouvé sous les décombres ce matin, celui d'un homme pris au piège dans l'effondrement d'un immeuble en plein centre-ville de Marseille hier. Les secours ont passé la nuit sur place pour tenter de retrouver des survivants. Les chances sont infimes. Désormais, il y aura entre 5 et 8 autres victimes sous les gravats. Les fortes pluies des derniers jours pourraient être à l'origine de la catastrophe. Le dernier bilan s'élève donc à un mort et au moins 5 disparus. Le carnet de santé numérique, bientôt généralisé, déjà testé dans plusieurs départements, il pourrait être maintenu en principe au plus vite un peu partout. Un espace sur Internet sécurisé réservé aux médecins et à leurs patients dans lequel on retrouverait en un seul clic tous les antécédents et les traitements suivis. De quoi simplifier bien sûr la tâche du personnel médical ou encore améliorer la prise en charge des malades. Info et inscription chez votre pharmacien ou encore sur dossier médical partagé dmp.fr. Le foot, la Ligue des Champions, Paris doit gagner en Italie ce soir. Le club de la capitale se déplace à Naples pour conserver ses chances de qualification en 8e de finale. Ce sera quasiment terminé en cas de défaite. Match à suivre dès 21h, juste après Monaco-Bruges. Une nouvelle page déjà bien remplie, Jennifer confirme son grand retour avec un démarrage canon pour son nouvel album dans le top des ventes depuis sa sortie fin octobre. Samedi, la chanteuse sera également à Cannes pour les 20e Energy Music Awards. Elle est nommée parmi les artistes féminines francophones de l'année face à Luan, Jane, Vita ou encore Christine and the Queens. Une ambiance qu'elle connaît par cœur depuis sa première récompense il y a déjà maintenant 15 ans. Les Energy Music Awards, c'est le témoignage qu'il y a des gens qui vous aiment. C'est l'occasion de faire un show à l'American. C'est l'occasion de retrouver les copains, de se marrer sur scène, de partager avec le public cannois et de porter des vêtements qu'on ne porterait pas dans notre vie de tous les jours. Et c'est l'occasion éventuellement de recevoir un prix venant du public. J'en ai eu 8 jusqu'à présent. J'ai été la plus chanceuse du monde entier et ça m'a énormément encouragée et j'ai été tellement heureuse de tout ça que d'y retourner avec la bonne humeur, c'est d'autant plus plaisant. Et peu importe si je gagne, bien évidemment, je serai contente. Enfin, si je gagne, c'est mieux quand même. Voilà, interview signée Jean-Baptiste Venin, Jennifer en lice pour un 9e Energy Music Award, verdict samedi en direct de Cannes. Les votes sont ouverts comme d'habitude sur energy.fr, c'est jusqu'à vendredi inclus. 8h33, fin de ce flash mardi 6 novembre, bon réveil avec Manu dans le 6-9. Bonne journée sur Energy. Dans 5 minutes, juste après DJ Snake et Selena Gomez, retour des sondages du matin. 94% des hommes ne savent pas que leur partenaire fait ça sur son corps. Waouh. J'ai la réponse devant les yeux, ça me fait beaucoup rire. Ah ouais. Ah. Aucun homme quasiment ne sait que sa partenaire le fait. Et ben nous allons le révéler dans 5 minutes. Waouh. Ah ah, nous le saurons tous. Ah ouais. C'est juste après DJ Snake. Avant ça, quelques infos. On est le 6 novembre aujourd'hui. Donc début novembre, est-ce que vous connaissez le challenge du No Nut November? Vous en avez entendu parler, ouais, vous avez peut-être vu sur les réseaux sociaux, Nico. Comme quoi il faut absolument pas se donner du plaisir, c'est ça ou pas du tout? Bah, en fait c'est même plus que ça, c'est un challenge, ça s'appelle le No Nut November, ouais. C'est un challenge sur les réseaux sociaux. Le principe, ça a commencé donc le 1er novembre, durant tout le mois, pour les hommes, ça consiste à ne pas faire l'amour et à ne pas se masturber. Mais pourquoi? Alors ça, je sais pas trop. Si, apparemment, ça a des bienfaits sur le corps, ça décuple après le plaisir, visiblement. Ah ouais. Mais il faut pas le faire trop longtemps, j'ai lu. Ah, ouais, il faut pas le faire trop longtemps. Qui fait ça, Anne? Qui fait ce challenge là? Non, mais ça va 2 minutes quoi. On est inondé par tous ces challenges là, ça va. Ouais. Celui-là, je le ferai pas. J'ai fait les autres. Celui-là, non. Je refuse. Non, autant le Ice Bucket Challenge, ok. Ok. Ouais. Autant le No Nut November là. Ouais. Non. C'est chiant. À la limite, au mois de février, il y a moins de jours. Ah oui. Mais en novembre, écoutez, non, pas faire l'amour, pas se masturber. En même temps, sur les deux défis, moi, depuis mon célibat, j'en avais déjà un de bon. Mais l'autre. Ah non. 8h35, DJ Snake et Selena Gomez tout de suite sur Energy. Juste après, les sondages du matin arrivent. Soyez les bienvenus, on démarre les journées ensemble. C'est mardi, c'est Energy, c'est Manu dans le 6-9 avec vous. Bienvenue. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taki taki, taki taki rumba. Prende los motores de Kawasaki. squeeze it. I squeeze it with my piggyback. It's hungry, my nigga. You need to feed it. If the text ain't freaky, I don't wanna read it. And just to let you know, this Panani is undefeated. Ay, he said he really wanna see me more. I said we should have a date where at the Lamborghini store. I'm kinda scary, hard to read. I'm like a Ouija board, but I'm a boss, bitch. Who you gonna leave me for? You just got no class, you bitches is broke still. I be talking cash shit while I'm popping my gold grill. I'm a whole rich bitch and I work like I'm broke still. The love be so fake, but the hate be so real. Sobresale de mi traje, no traje venticito pa' que el nene no trabaje. Es que yo me sé lo que tú crees que tú no sabes. Dice que no quiere, pero se quiere comer el equipaje. Báilame como si fuera la última vez. Y enséñame ese pasito que no sé. Un besito bien suavecito, bebé. Taki, taki, taki, taki, rumba. My body already know how to play. The work could keep it tight every day. And I know you need a taste. Now, ooh, you're falling in love. Give a little ooh, ooh, get it well done. Dance on my ooh, make a girl wanna run. We keep moving till the sun come up. Porque I am the party. It's a fiesta. Blow out your candles and have a siesta. We can try, but don't know what can stop me. What my talkie talkie wants, get my talkie talkie gets on. Báilame como si fuera la última vez. Y enséñame ese pasito que no sé. Un besito bien suavecito, bebé. Taki, taki, taki, taki, rumba. Bienvenue sur Énergie. Je vous annonce une petite surprise pour la fin de l'émission. Attention, ouais. Il y a un titre que j'adore, ouais. Que je vous ai fait découvrir juste après l'été. Oui. Il était inconnu en France, ce titre, et je vous ai dit, ça, je sens que ça va être un énorme hit. Mmh. C'est ça. Panic at the Disco. Ah ouais. I Hopes. J'étais même allé dans le bureau du directeur des programmes d'énergie, je lui avais dit mec. Ouais, je l'appelle mec. Ah ouais. Ça, c'est un hit. Il m'avait regardé. Il m'avait dit bah, va bosser ton émission. Bon. Mais je lui avais dit je suis sûr. Ouais. J'ai pas lâché l'histoire. Il commence à le mettre la journée sur Énergie. Panic à deux disco avec I Hopes. Trop bien. Trop cool. Ça va être un énorme hit en France. Mais ouais, grave. C'est sûr. Mais ça l'est dans le monde entier. Je ne sais pas pourquoi nous, on n'a pas démarré. Ouais. Ouais. Réveillez-vous, les amis. Wow. Oui, il y a des problèmes avec le prix de l'essence, mais il y a aussi des hits. On ne peut pas passer à côté, quoi. Ouais, ouais. Heureusement que t'es là, Manu. Hein. Merci. Sans toi. Flair. Wow. Ouais. Matt Cohn, Don't Worry, vous vous rappelez de ce titre énorme? Oui, c'est toi, ouais, aussi. Okay, mais oui, c'était moi. Ouais. Bon, ok, j'ai le flair sur un titre tous les 4 ans. Ouais, mais là, ça. Je l'ai. Et ben Panic à le disco, ils le savent. Et ils ont dit, si tu veux, on vient jouer pour toi dans ton émission. Oh, ouais. Énorme. Trop cool. Tout à l'heure, à 9h20, on va faire un live. C'est bien. Cool ou pas? C'est génial. Ouais. Trop et bien. Ben voilà. C'est trop bien. Oh, la prochaine fois, il faut que je lance un hit de je sais pas qui. De Beyoncé. Panic à le disco, ce sera un live tout à l'heure. Ce sera vers 9h15. Trop bien. Voici les sondages du matin. Yes, yes. Seulement 7% des femmes font confiance à leur partenaire pour faire cette tâche ménagère. Oh, vous n'avez pas confiance en nous. Bah non. Quelle est cette tâche, Isabelle, d'après toi? Nettoyer les poils anti-adhésifs, hein, parce que attention au côté vert qui raye. Oula. Wow. Phrase beaucoup trop longue. Ouais. C'est pas ça. Bah, c'est l'aspi. C'est pas l'aspirateur. Il faut une machine que tu branches ou pas? Absolument, il faut une machine. Ah, le repassage? Bah non. Ah, bah, non, la machine, carrément. La lessive. La lessive. Ah, ah ouais, ouais. Seulement 7% des femmes nous font confiance pour faire la lessive. Alors franchement, ok. Ne me faites surtout pas confiance. Nous sommes 44% à avoir vu ça et à ne jamais oublier. Ah. Qu'est-ce qu'on a vu qu'on n'oubliera jamais? Le Père Noël? Non. Une personne sur deux a vu le Père Noël? Bah tout le monde le voit pas. Moi je l'ai aperçu une fois. Non mais déjà c'est beaucoup, une personne sur deux qui l'a vu. Ah bon? Bah oui. Ah, ok. Bah alors. Des dessins animés de notre enfance? Non. C'est quelque chose qu'on aimerait oublier? Oui. Ah. Ah. Et ah. Qu'on n'avait pas envie de voir. Hein. C'est quelque chose de pas joli? C'est pas que c'est pas joli, c'est qu'on n'a pas envie, quoi. Ah. C'est bizarre. Ça a rapport avec quelqu'un de notre famille? Oh oui, absolument. Ouais. Une personne décédée ? Non. Une personne nue ? Oui. Ouais. Ah non. Nos parents nus par erreur. Ouais. Nous sommes 44% à les avoir vus et à ne jamais oublier. Et ben moi, par erreur, j'ai vu ma mère, j'ai vu mon père. Putain, je peux vous dire exactement où, quand, comment. Ouais, ah ouais. Mais ça m'a. Mais je fais partie de ces gens-là. Je n'ai jamais oublié. Oh pas vous ? Vraiment ? Moi, mes parents, ils sont nudistes, donc je peux pas zapper. Hein. Oui, non, mais. Non, mais toi, tu es dès le départ. T'es un fou, toi. Dès le départ, la vie de Paulette. Paulette, c'est l'inverse, quoi. C'est une fois, j'ai vu mes parents habillés. Ah, je m'en souviendrai. Hein. Ce qui explique aujourd'hui les fringues de Paulette. Hein. Oh, t'es dégueulasse. Je suis habillée tout en noir. Je fais des efforts. Non, t'as ton style. T'as ton style. Ah, aujourd'hui, si vous voulez le savoir, voilà, Paulette est venue avec des cuissardes. Oui, mais mes cuissardes que j'adore. Ouais, bah, et que j'assume à fond. Hein. Mais t'as complètement raison de les assumer. Les mousquetaires t'embrassent. Ah. Oh, mousquetaire hyper joli, hyper sexy, hein, quand même. Ouais, ça. Non, bah, c'est, ouais. C'est sexy. C'est sexy. Non, c'est mignon. Bon, ça va, non, j'ai compris, tu les aimes pas. Tu les aimes pas. Non, j'aime bien les. Attends, c'est hyper sexy, les cuissardes. Ouais. Ah. C'est surprenant d'arriver. En cuissarde. Ouais, voilà. En sexy, quoi. Bah, à une soirée, je dis pas. Ouais. Arriver comme ça le matin à 5h, oui, c'est. Oui, c'est surprenant. J'ai dit que j'aime pas. Mais avoue que si je venais en cuissarde à 5h. Ah, moi, je trouverais cool. Hein. Dernier sondage, 94% des hommes ne savent pas que leur partenaire fait ça sur son corps. Donc leur copine fait ça sur son corps. D'après vous, c'est quoi les mecs ? C'est sexuel ou ça n'a rien à voir ? Rien à voir. Ça a rapport avec ses boutons ou pas ? Non, pas avec les boutons. Passer un mini peigne dans nos cils. Tu sais quand on s'est mis le petit rimmel là. Ah, ça existe, Manu. Ah, non, ouais. Mais c'est pas ça. C'est ça ? C'est quelque chose de cosmétique. C'est cosmétique. Elle se met du fromage blanc sur la figure ? Ah oui, bien non, sûr. Non, c'est bon pour la peau, non ? Je connais rien. Il a raison, on le fait, hein, on le fait, bien sûr. Non, mais le dis pas. Hein. D'accord. Les cuissardes, c'est cool, mais ça non. Ça a rapport avec l'épilation et comment elles le font ou pas ? Totalement. 94% des hommes ne savent pas que leur partenaire s'épile la moustache. Ah ! Quoi ? Ah ! Oui. Wow. Ah bon ? Les hommes ne le savent pas et apparemment, vous vous épilez la moustache. Ah, elles le font pas toutes, hein, forcément. Bah, question, Paulette ? Bah, je suis blonde et je t'avoue que j'ai pas besoin de le faire. Mais toutes mes copines brunes le font et franchement, ta femme, elle est brune, Nico. Ouais, mais bah justement, elle en fait partie. Paulette, des gens, Paulette. Quoi ? Allez, on va dire que t'es châtain, vas-y. Tu sais que là je vais aller vérifier tout de suite. Toi, t'en as pas, arrête. Non, c'est clair que si on en avait une, on le ferait pas devant vous. C'est évident qu'on se cache pour faire toi, ça. Toi, tu t'es jamais épilé des petits. Non, bah, j'ai pas de moustache. Non, tout va bien. D'accord. Non, merci. Okay. Non, mais il y a plein de femmes qui l'ont. C'est surtout que dites-vous qu'elles souffrent, ces femmes. Hein. Mais ah, bah j'imagine, oui, bien sûr. Oui. Bah écoute. C'est un petit peu plus tard dans l'âge quand même, non ? Faut avoir un peu 80 ans. Non, si t'es brune, très brune, il faut l'enlever. Moi j'avais une amie qui se décolorait la moustache. Pour pas que ça se voit. Ah donc elle avait la moustache mais blonde. Ouais. Et là c'était classe. Ah, ok, ça marche. 8h44, les sondages du matin reviennent demain à la même heure. On va s'écouter 3 cafés gourmands et juste après, on lit les messages que vous nous envoyez sur les réseaux sociaux et on écoute les messages vocaux que vous envoyez sur l'application Manu dans le 6-9. C'est Nico qui récupère tout. Ami breton, une vérité va être rétablie. Waouh. Oh. Ouais, ça c'est bien ça. Oh, très bien. C'est juste après 3 cafés gourmands. Comment puis-je oublier ce coin de paradis, ce petit bout de terre où vit encore mon père? Comment pourrais-je faire pour me séparer d'elle? Oublier qu'on est frères, belle Corrèze charnelle. Oublier ce matin que tu es parisien, que t'as de l'eau dans le vin, que tu es parti loin. Ce n'était pas ma faute, on joue des fausses notes, on se trompe de chemin et on a du chagrin. On se joue tout un drame, on a des vagues à l'âme. Tu as du mal au cœur, tu as peur du bonheur. Acheter des tableaux et des vaches en photo, c'est tout ce que t'as trouvé pour te la rappeler. Vous me trouvez un peu con, n'aimez pas ma chanson. Vous me croyez bizarre, un peu patriotard. Le fruit de ma réflexion ne touchera personne. Si vos pas ne résonnent jamais dans ma région, c'est pire qu'une religion au-delà d'une confession. Je l'aime à en mourir pour le meilleur et pour le pire. Et si je monte au ciel, y aura peut-être Joël, Guillaume et Jérémy et mon cousin Pidri. Johan sera en voyage dans un autre pays. Allez, fais tes bagages, viens rejoindre tes amis. On veut du Claudie Musette à en perdre la tête. On veut un dernier Chabrol, un petit coup de gnôle, les yeux de nos grands-mères, la voix de nos grands-pères, l'odeur de cette. dire je t'aime. Soyez sûr, j'en suis fier, j'ai la Corrèze en cathéter. D'être avec vous ce soir, j'ai le cœur qui pétille. Mimi sert nous à boire, on a les yeux qui brillent. Acceptez ma rengaine, elle veut juste dire je t'aime. Soyez sûr, j'en suis fier, j'ai la Corrèze en cathéter. D'être avec vous ce soir, j'ai le cœur qui pétille. Mimi, serre-nous à boire, on a les yeux qui brillent. 8h48, bienvenue sur LRJ, les infos arrivent à 9h et je vous ai annoncé un live tout à l'heure. À 9h15, on pourra faire un Facebook live. Ouais. Vous pourrez regarder, ce sera... Panique à deux disco avec nous. Trop bien. Ouais. Écoutez, pour être très honnête, c'est un petit plaisir, c'est un petit kiff que je me fais. T'as bien raison, Manu, ça me fait plaisir aussi. Eh ben écoutez, tant mieux. Non mais ce titre, depuis cet été, j'y crois. Ouais. J'adore ce titre, vraiment. Ouais. Et puis, putain, faut que ça marche. Et ça commence à marcher. Et ben, comme pour nous remercier, j'ai envie de dire. Ils seront là tout à l'heure et ce sera en live. Tout de suite, on lit les messages que vous nous envoyez sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Facebook. Et on écoute aussi les messages que vous nous envoyez sur l'application Malu dans le 6-9. Mmh. C'est Nico qui lit tout, qui écoute tout et qui partage tout avec nous. Bah, hier, on a répondu à cette question. Quelle est la chose étrange qu'un ami vous a déjà demandé de faire? Oui, il y a eu des moments de malaise d'ailleurs. Bah, avec Glandu notamment, qui nous a dit qu'une copine lui avait demandé de lui lécher la peau pour savoir si elle était salée. Voilà. C'est ça. C'est étrange. Il y a d'autres trucs assez étranges. Il y a Julien sur Facebook qui dit: une amie m'a demandé de faire croire à nos potes qu'elle était décédée pour voir leur réaction. Chelou ça. Alors c'est chelou, mais en même temps, qui ne s'est jamais posé la question? Mais tu le fais pas. Mais tu sais, d'être là à ton enterrement, c'est un fantasme. Ou d'être là dans une pièce quand quelqu'un annonce que t'es mort, pour savoir comment les gens réagissent. Moi je serais trop triste d'être morte en fait. Oui, de base, effectivement, Isabelle, merci. Effectivement, c'est une réflexion plutôt intéressante. Je serais trop triste d'être mort. Ouais, merci Isabelle. Je vous en prie. La mort, c'est chiant. Effectivement. Effectivement, ce sera d'ailleurs le thème de notre émission tout à l'heure, entre 14h et 17h. Émission qu'on fera le prend pas mal dans les chiottes. Quelle est la chose étrange qu'un ami vous a déjà demandé de faire? Il y a Juliette qui dit: un ami m'a demandé de lui prêter mon chat pour faire des stories Insta pour draguer une fille. Génial. Ça, c'est bon, ça. C'est génial. Moi, je connaissais un pote, il avait demandé à une copine de lui prêter son chien pour aller draguer dans le parc. Génial. Ça marche. La ruse. Ça marche. Un autre message de Romain sur Twitter qui dit: un pote m'a demandé de lui montrer mon zizi pour le rassurer sur la taille du sien. Oh là là. C'est gênant. Alors c'est gênant, puis c'est à double tranchant. Ouais. Parce que si ça te rassure pas, t'es obligé de demander un autre pote. Alors après, tu passes pour le mec qui demande la taille des zizi. C'est chelou. Ouais, jusqu'à ce que tu trouves le mec qui a un plus petit zizi que toi. Et là, tu fais: je te tire. Vous voyez bien. Bernard, range ça. Bon, tous les matins, on écoute les messages vocaux que vous nous laissez sur notre application, Manu en 6-9. Et Manu, tu es parfois dans les clichés. Et il y a Queen qui veut rétablir la vérité. Bonjour, je suis breton et puis non, nous ne sommes pas tous crépiers. Désolé. Ah oui, parce que j'avais dit l'autre jour que tous les bretons étaient crépiers. Voilà, c'est important le effectivement, souvenir. Effectivement, tous les bretons ne sont pas crépiers, il y en a qui font du cidre. Allez, ça doit être galère de marcher tous les jours en sabots. Bon, j'enchaîne. Oui. Bon, y a une fille maintenant qui partage avec nous une décision importante qu'elle vient de prendre. Alors moi, j'ai décidé d'abandonner le basket parce que je fais 1m54 et c'est pas une bonne idée. C'est lucide, hein. C'est bien. C'est extrêmement lucide, mais c'est courageux d'avoir essayé. Oui, c'est vrai. Effectivement, au bout d'un moment, ce sport n'est pas fait pour moi. Non. Ou elle peut créer une équipe de petites avec des petits paniers. Oui, ce serait. Oui. Alors non, c'est un autre sport. Le petit basket. Tu crées un nouveau sport, qui est le mini basket pour les gens petits. Mais en fait, ça n'a plus rien à voir avec le basket. C'est vrai. Mais on en parlera dans une autre émission qu'on fera entre 14h et 16h, juste après celle d'Isabelle. Dans les toilettes. Bon, dernier message vocal, on a lancé le concept il y a quelques jours de pousser un coup de gueule, mais en chantant. Et ça avait cartonné, et on a l'un d'entre vous qui est au bout du rouleau. Mes collègues sont des cons, je ne peux plus les saquer. Ils se plaignent pour rien, ils ne savent pas travailler. Fermez vos gueules et laissez-moi bosser. J'en ai trop marre, j'ai envie de me barrer. Mais c'est pas ma faute, c'est la leur, c'est des confédéants. Oula. J'aimerais bien les virer, mais ils sont fonctionnaires. Oh là là. Écoutez, si le mec l'avait dit en gueulant, on aurait trouvé ça pas sympa. Ouais. Là, c'est en chanson. J'adore ce conseil. Ouais. Vous en avez marre, vous voulez gueuler. Au lieu de crier, de vous époumoner, de casser votre voix, vous le faites en chanson. Ça passe tellement plus simplement. Oui. Alors. Il y a une bonne ambiance, en tout cas, dans la boîte dans laquelle le monsieur travaille. Ah bah, et s'il est fonctionnaire, il y a une bonne ambiance. Bonne ambiance. Ça avance bien. N'hésitez pas, vos messages vocaux, c'est sur l'application Manu dans le 6-9. 8h52, Kaigo, Imagine Dragons, tout de suite pour vous. I know I've given up. It's not something to ignore. You take me for a fool. You take me for a fool. I never knew anybody till I knew. Sur Énergie, il est 8h55, on va s'écouter Dadju juste après les infos de 9h et dans un quart d'heure, même pas un quart d'heure, les infos de Glandu. Ah. L'homme qui donne des réponses aux questions que personne se pose. Et à ce propos, j'ai une info dont personne n'a eu l'idée, sauf des Toulousains qui viennent de sortir une bière qui s'appelle la Cassoulelle. C'est un jeu de mots. Comprenez, bière au cassoulet. Mais non. Quoi ? Oh. Ils ont inventé une bière au cassoulet, le cassoulet toulousain. Toujours avec beaucoup de modération là du coup hein. Parce que oh bah là c'est même pas goûter. Ah ouais. Alors, écoutez bien, comment ils font leur bière ? Ouais. Ils prennent pour de vrai des haricots, du canard, de la saucisse, de la couenne et du bouquet garni. Waouh ! Ils le transforment en jus concentré qu'ils mélangent ensuite à la fermentation de la bière. Oh mais non. Alors évidemment, la question qu'on se pose tous c'est est-ce que c'est bon ? Ouais. Eux-mêmes répondent on peut pas dire ça. C'est sympa. Ce sont mes nouveaux héros. Allez, on vient tout de suite, 8h56. Manu dans le 6-9. Heureusement, il y a Manu. Manu dans le 6-9 sur Énergie. Gagnez 10 000 euros dans le cash-cash. Sur Énergie avec Coé à 17h30. Céline ? Oui ? Où sommes-nous en France ? Je suis à Mariège, un Carlabaille. Trouve la bonne enveloppe et tu peux gagner jusqu'à 10 000 euros. Je vais choisir Bordas. Ouverture de l'enveloppe, tu gagnes 10 000 euros. Ah ! Céline, 10 000 euros, c'est ce qu'on t'a ! 10 000 euros !